tu récemment de remue la tête, dis non, non, non, non, non. Si l'on te donnait d'avoir tous les hommes de ce monde, secoue la tête, dis non, non. Ne peux pas laisser Jésus. Je ne veux pas le laisser, je ne veux pas laisser Jésus. Je ne veux pas le laisser, je ne veux pas, je ne veux pas, non. Si l'on te donnait d'avoir toutes les richesses de ce monde, c'est pour la tête, dis non, non, non, non, non. Si l'on te donnait d'avoir les voitures de ce monde, cela ne conduit pas au ciel. Si l'on te donnait d'avoir toutes les femmes de ce monde, secoue la tête, dis non, non, non, non, non, non, non. Si l'on te donnait d'avoir, dis non. Non, non, je ne veux pas laisser Jésus. Non, je ne veux pas le laisser. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Côté de Lomé, le frère Jacques Bissan, bonsoir et bienvenue dans Côte d'Ivoire dans la sainteté. Bonsoir, bonsoir frère, bonsoir les sœurs. Comment va le climat du côté de Lomé? Bonsoir, frère. On va très bien. Ouais, bonsoir, bonsoir, bonsoir, bonsoir, bonsoir, bonsoir. La sœur Audrey, bonsoir. Bonsoir, bien aimé frère Julien. Vous voyez que vous êtes en retard aujourd'hui, n'est-ce pas? Tout le monde est en retard. Le frère Olivier Angoran, bonsoir. Le frère, allô? Le frère Olivier Angoran, bonsoir. Oui, bonsoir frère Junior. Ça bonsoir, va frère. Comment tu vas mon frère? Oui, ça va par la grâce du Seigneur, ça va. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Le couple Espérance Paul, bonsoir et bienvenue. Le frère Paul Espérance, bonsoir et bienvenue à toi et à ton épouse. Okay. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Ah, tu nous as manqué, mon frère. Mais je suis toujours là. C'est vous qui ne voulez pas qu'on travaille aujourd'hui. Je suis encore à votre service ce soir. Comment vous allez? Oui, bonsoir, mon frère. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, racontez. Alors, comment vous allez? Hein? Comment vous allez? Oui, ça va très bien. Apparemment, vous avez des problèmes de connexion là-bas. Oui, ça va très bien, mon frère. Ça va. Et chez vous? Nous allons très bien par la grâce du Seigneur. Ça va. Vous me recevez? Oui. On te reçoit, frère. Ok. Alors, quoi de neuf maintenant? Je ne vous vois pas. Il voit seulement des sigles là, sur l'écran. Qu'est-ce que vous avez à cacher? C'est quoi? La connexion dérange chez vous, c'est ça, n'est-ce pas? Tu m'as regardé d'avoir. Si c'est bon. On va activer les caméras. Voilà. On voit la Madame Jacques et Monsieur Jacques là-bas, chacun partageant son micro, ça va quoi, ses écouteurs. Oui. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je suis encore à votre service ce soir. Et quoi que nous avions commencé un thème que nous n'avions pas fini concernant le cas à Kosovo, vous vous souvenez? Oui. À moins que vous ayez des questions, avez-vous des questions avant que nous commencions là? Comme ça, on finit avec le phénomène à Kosovo, votre frère. Super, frère Junior. Oui. J'ai une question. Oui. Bon, cette question a un rapport par rapport à un de vos enseignements que j'ai suivi. Allô? Allô? Je t'entends, ma soeur, je t'entends, vas-y. D'accord. Ça concerne vider le cœur. Comment pardonner, quoi? Oui. Bon, j'ai un problème. Quand j'ai suivi ça, bon, j'ai constaté que j'ai beaucoup de gens et j'ai l'air encore envers beaucoup de gens, quoi. Donc, quand j'ai suivi l'enseignement là, oui. Je commence à me poser des questions. Bon, il faut que... Là, on ne t'entend plus, ma soeur. On ne t'entend plus. Là, il faut que quoi? Ne bougez pas votre appareil. Quand vous bougez votre appareil, on ne vous entend plus bien. Enfin, du moins, le volume ne sort plus. Tu m'entends? Ok, maintenant, parle alors. Non, là, c'est pas bon. On ne t'entend pas. Frère Olivier, parle un peu, voir. Frère Olivier, tu m'entends, toi? Oui, frère. Tu m'entends? Oui, je t'entends, frère. Et quand elle parlait encore, tu as entendu aussi l'interruption de son côté, n'est-ce pas? Oui, tout à fait, oui, frère. Ok, donc ça veut dire que... Allô? Voilà, maintenant, là, c'est bon. Vas-y, ma soeur. Oui, c'est bon. Donc, bon, quand j'ai suivi l'enseignement, là, vous avez recommandé, la parole de Dieu a recommandé à ce que on libère les gens de nos cœurs, de ne pas tenir les gens, avoir des rancunes envers les gens, quoi. Même si quelqu'un te fait quelque chose de mal, de le pardonner. Que dans la Bible, c'est indiqué que si nous-mêmes, nous ne pardonnons pas à ceux qui nous offensent, Dieu ne va pas aussi nous pardonner. Oui. Donc, j'ai commencé par méditer sur ça beaucoup, beaucoup. Et bon, j'ai demandé au Seigneur de m'aider. Et la nuit, j'ai constaté que je vomissais. J'ai constaté que pendant la nuit, je vomissais, j'ai vomi beaucoup. Même je me suis réveillée, j'ai trouvé les crachats sur mon oreiller, quoi. Donc, durant ce temps... quand je reste, je ne pense plus à ces problèmes. Oui. Mais il y a un problème qui a réveillé ça, quoi. Quand je me rappelle de ces choses, ça m'énerve beaucoup. Ça m'énerve beaucoup. Mais de tout moment, je me rappelle que la parole de Dieu a interdit ça. Oui. Je ne sais pas comment faire pour libérer totalement mon cœur, parce que ça me j'ai besoin de me libérer sincèrement. Oui. J'ai besoin de me libérer. Bon, si ce sont des choses d'ordre privé, on peut causer en aparté en dehors du public, d'accord. Donc, ce qu'on va faire, ce qu'on va causer en dehors du public, toi, ton mari et moi, d'accord, ma soeur. D'accord. Si ce n'est pas oui, après, c'est d'ordre privé. D'ordre privé, oui. On ne peut pas mentionner cela ici. Dans ce cas, il faut causer en privé, d'accord. Mais alors, allons dans la Bible, lisons quelque chose. Allons dans le livre de Matthieu, chapitre 18. Je crois que dans cet enseignement, on en a fait état de cela, là. Le livre de Matthieu, là. Je crois que c'est ton mari qui va devoir lire du verset 21 au verset 35. D'accord. Matthieu chapitre 18, verset 21 à 35. 18. Pendant que vous allez chercher ce passage-là, je vous recommande encore, il est de votre intérêt de libérer les gens de votre cœur. Il est de votre intérêt de pardonner parce que votre vie en dépend et votre avenir également en dépend. Quel qu'en soit ce que quelqu'un vous a fait, vous avez intérêt à pardonner parce que Dieu l'a ordonné. Dieu a ordonné que la source de tout pardon auprès de lui dépend du pardon que nous en faisons par rapport à d'autres personnes qui nous ont offensés. Et par conséquent, il n'y aurait pas de raison que tu ne pardonnes pas parce que notre avenir, souvenez-vous, ton avenir en dépend. Si tu m'écoutes maintenant et que tu n'as pas pardonné quelqu'un sur le cœur, il est temps de désarmer maintenant parce que ton avenir en dépend. Non seulement ton avenir physique, mais aussi ton avenir spirituel. Tout autour de toi dépend du pardon parce que le pardon implique la réconciliation. Le pardon implique l'amour, le pardon implique toute la restauration, le pardon aussi implique la délivrance. Ça veut dire que si vous pardonnez de la bonne façon, vous serez délivré. Pardonnez de la bonne façon, l'amour vous restaurera dans la place que Dieu vous a accordée. Vous pardonnez de la bonne façon, il y aura la réconciliation, non seulement entre vous et votre Créateur, mais aussi entre vous et tous ceux qui sont autour de vous, qui vous avez offensés. Matthieu chapitre 18, verset 21 à 35, lis ma frère. Versets 21 à 35. Alors, Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à sept fois? » Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à sept fois, mais jusqu'à septante fois sept fois. » C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, et son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme et ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi et je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait. Et disant, fais ce que tu me dois. Son compagnon, se jetant à terre, lui suppliait, disant, aie patience envers moi et je te paierai. Mais l'autre ne voulut pas et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés et ils allaient raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors, le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? » Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il payait tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera. Si chacun de vous pardonne à son frère de tout son cœur. Amen. Amen. Amen. Vous m'entendez? Amen. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Le frère Olivier, tu m'entends? Vous m'entendez? Allô, le frère Olivier, vous m'entendez? Vous m'entendez? Allô? Oui. Alors, le verset 35, ça, c'est bon, n'est-ce pas? Vous m'entendez? Oui, c'est bon, frère. La sœur Assetou, bonsoir et bienvenue avec notre petite fille de Retoua. Bonsoir, frère Tignon. Ça va? Oui, ça va. Que la grâce de Dieu, ça va. Amen. Et notre petite fille qui est derrière toi, tout juste là, comment elle va? Elle va bien par la grâce de Dieu. Je reviens à toi dans un instant. Le frère Achille Nda, bonsoir. Bonsoir, le frère Junior. Ça va? Comment tu as de l'énergie ce soir-ci comme ça? Tu dis? Tu as beaucoup d'énergie ce soir. Qu'est-ce qu'il y a à partager avec nous? On sent de l'énergie dans ta voix. Ah, Dieu merci, Dieu merci. Au fait, juste dire merci à Dieu pour tout ce qu'il fait pour moi et à tous mes frères et soeurs. Pour cette grâce. Qu'il te bénisse. Amen. Alors, j'avais des gens sur mon moniteur. Je ne sais pas, la sœur Audrey est encore connectée. Oui, elle est connectée. Le frère Paul Espérance. Tout le monde y est. Alors, la sœur Assetou est là, oui, le frère Olivier également est là. Et la famille Jacques. Oui. Voilà. Alors, madame Bissang, tu verras effectivement que ici, Jésus a dit quelque chose de plus précis. Et avec ses disciples, il a été vraiment, vraiment très sévère dans ce qu'il a dit comme déclaration. Parce que le pardon implique l'ouverture et la relation avec le Seigneur, comme j'ai dit. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas d'excuse. Il n'y en a point d'excuse. C'est vrai qu'il y a des choses qu'on peut avoir fait qui soient difficiles. Le plus grave encore, c'est souvent contre nous-mêmes que nous manquons de pardon envers nous-mêmes. Je crois que dans un autre enseignement, j'en ai parlé par rapport à l'esprit d'accusation. Satan accuse notre intelligence et notre partie pour vous dire, tu as commis tel acte dans le passé, tu as commis tel acte, tu penses que Dieu peut te pardonner par rapport à cela. Pourtant, Christ nous a pardonné à la croix. Donc, nous allons revenir par rapport à toi. D'accord, ma soeur? D'accord, oui, compris. Voilà, la soeur, c'est tout. Dans l'un des enseignements, je ne sais pas lequel, ici, j'avais parlé de ton mari. Il y a un bruit là. J'ai compris que le frère Olivier a du mal à nous entendre. Le frère Olivier, tu nous entends? Oui, frère, je vous attends. Vous qui avez les écouteurs, souvenez-vous que quand vous bougez, si votre micro bouge sur votre habit, ou bien votre micro la bouge, ça crée des bruits. C'est ça qui crée des bruits. Ça fait des. Comme si c'était le vent. Donc, si vous avez votre micro, votre écouteur avec votre micro intégré, faites assez en sorte que le micro ne touche pas votre habit. Parce que quand ça bouge sur l'habit, ça produit des bruits. Ou bien tout simplement, vous fermez le micro. Et quand vous allez intervenir, vous réallumez. Voilà. Compris, frère. Que le Seigneur vous bénisse. Donc la sœur, surtout, comment va ton mari? Il va bien par la grâce de Dieu. Mmh. Depuis la soirée où je vous en avais parlé, je vous ai parlé de certaines choses et à lui particulièrement, comment il réagit depuis? Qu'est-ce qu'il a dit de cela? Non, il n'avait dit de. Je crois que c'était toi que c'est à toi j'avais. C'est toi j'avais dit que ton mari, je veux le voir converser avec quelqu'un mais en langue arabe, quelque chose comme ça. C'est à toi non? Oui. Oui. Qu'est-ce que ton mari a dit par la suite? Et j'ai dit, je vais dire des choses même avant que votre rencontre le concerne. Il a dit quoi donc? Oui, frère, j'avais cherché à te voir, donc on a essayé, j'ai envoyé des messages. comme tu étais occupé là, c'est pour cela. Le jour où tu avais donné le rendez-vous, c'est le lendemain où la soeur était décédée. Oui. Là, on n'a pas pu poser. Oui, qu'est-ce... il est où alors donc? Il vient d'arriver du travail. Il vient d'arriver. Ok, comme il vient d'arriver du travail, okay, qu'il se repose. Demain, nous allons pas. Demain, il travaille jusqu'à quelle heure? Tu m'entends, ma soeur? Pardon? Il travaille demain également? Oui, frère, je t'entends parler. Oui, demain aussi, il travaille. Jusqu'à quelle heure? C'est le dimanche qu'il ne travaille pas. Ok, donc dimanche, donnons-nous rendez-vous alors dimanche aux environs des 16h de Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de problème, frère. Fais-moi signe donc. Merci beaucoup. C'est le moyen que tu disposes pour me contacter, d'accord, ma soeur? Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Amen. Soyez bénis. Alors. Amen. Le frère Paul Espérance, on ne le voit pas. Il y a seulement deux oiseaux là-bas, lui et sa femme. Vous voyez, les oiseaux là représentent lui et sa femme. Il a seulement mis là-bas comme ça. On ne voit plus personne. Oh frère, on est là. Mais on se voit à l'écran. Oui, oui, oui, c'est vrai. Vous voyez à l'écran. Oui. Cliquez sur votre caméra et puis, après quelques secondes, vous cliquez encore de nouveau. Quelques secondes. Alors, est-ce qu'on peut commencer? Voilà, là maintenant, vous voyez, là maintenant, on vous voit. Les deux oiseaux qui étaient là figuratifs, on les voit maintenant en plein. D'accord, on a fait ce qu'on avait dit. On a cliqué et puis on a cliqué. Voilà, tout simplement, et là, on vous voit. C'est pas compliqué, non? Ouais, ça va. Alors, je suis à votre service. Je disais non à l'entrée ici. De toute façon, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie et continuez toujours à travailler. Même quand même nous ne sommes pas là, que quand bien même le Seigneur m'appelle dans une autre direction, continuez à travailler, ce sera bien pour vous. Et que l'amour continue à être votre socle et que vous continuez à vivre comme le Seigneur a dit dans les Saintes Écritures. Lorsque vous le faites, sachez que vous êtes avec le Seigneur et il est avec vous. Amen, amen. Je veux où là maintenant, avant que ça ne commence à me malmener comme ça ce soir. Je crois que c'est mieux que nous finissions avec... les séries que nous avons commencé avec cette vidéo, je crois que nous avions parlé de l'huile, quelque chose comme ça. Dans une vidéo où votre frère Makoso parlait de l'huile. Et là, nous avions lu, je crois, le frère Jacques pourra nous faire un résumé s'il se souvient, s'il avait pris des notes concernant cela. Et là, nous sommes arrêtés concernant cette vidéo-là, n'est-ce pas, frère Jacques? Le frère Jacques nous entend. Oh, sa connexion a chuté, je crois qu'il a, il va nous revenir demain tôt. Alors, le frère Espérance, est-ce que tu peux nous faire un bref résumé de tout ce qu'on a fait, enfin, en attendant que le spécialiste du résumé arrive encore. Tu nous entends? Allô? Est-ce que tu nous entends? Oui, oui, oui. Allô? Oui, oui. Allô? Oui. Bon, je pense qu'on avait parlé du faux prophète de Makoso. Ton frère que tu appelles comme ça. Mais c'est un faux, mon frère. C'est un faux. Donc, je pense qu'on avait dit que qu'il passait son temps à soudoyer ses fidèles en utilisant certains passages bibliques. Mais pourquoi d'entrée tu dis que c'est un faux alors que ce n'est qu'une seule vidéo? Il en a des centaines de vidéos certainement, ou bien d'autres personnes. Il y a des gens qui assistent à son culte et qui continuent toujours à assister. Pourquoi d'un seul coup tu peux dire que il est un faux? Frère Jacques Bissan, bien rebonsoir encore, bienvenue. Je crois que la connexion est stable là, et le frère Olivier. Bon frère, je pense les caractéristiques qu'il présente ne nous permettent pas de dire que c'est un vrai. Parce que tout ce qu'il prêche est tourné vers l'argent. Or, la qualité est l'un des facteurs qui nous permet de pouvoir identifier des faux prophètes. Il a fait même des vidéos où on le voyait en train de gesticuler, de fêter, de savourer sa joie parce que quelqu'un lui aurait remis une vingtaine de millions. Voilà. Et dans presque toutes les vidéos où il apparaît, il ne parle que d'argent. Donc, tous ses intérêts ne sont tournés que vers l'argent. Nulle part, on le voit enseigner véritablement avec les passages bibliques. Il prend un passage biblique et fait tout un commentaire. Il passe tout un moment à faire le commentaire sur l'argent qui est lié à ce passage-là. Merci beaucoup, mon frère. Avant de donner la parole au frère Jacques ou bien au frère Achille, pour qu'il fasse, je crois que le frère Jacques ferait bien le résumé. Je ne sais pas si le frère Olivier nous entend bien. Si les gens nous écoutent, ils pourront dire que qu'est-ce qu'il y a à fouiller dans la vie de Makoso comme ça, qu'on est jaloux de Makoso. Est-ce que c'est normal ce que nous sommes en train de faire, bibliquement parlant? Le frère Olivier. Le frère Olivier nous entend. Alors, le frère, je crois que... Le frère Olivier, tu nous entends? Ton micro est ouvert. Je t'en ai demandé avant que le frère Jacques Bissan ne passe au résumé de la dernière fois ou bien au rappel de la dernière fois avant que nous continuions et finissons une fois pour toutes pour cette série là concernant ces garçons là. Je voulais demander si des gens pourront nous écouter et dire que là on est en train de faire une réunion de calomnie contre votre Makoso ou bien ce que nous faisons un anti-biblique. Est-ce que dans ces cas ils auraient raison? Est-ce que c'est que nous sommes. Bon, moi, je pense que ce que nous sommes en train de faire est structuré. Puisque la Bible nous donne, nous dit dans Éphésiens chapitre 5 que nous devons dénoncer les œuvres de ténèbres. Et même que ce soit un pasteur en train de faire, n'est pas de Dieu, ce sont des œuvres de ténèbres. Et nous avons l'obligation de dénoncer ces œuvres-là. Donc, ce n'est pas une question de jalousie. Voilà, mais c'est une question de faire ce qui est juste devant le Seigneur. Et si tes bras te montrent la parole qui dit que ne jugez point afin que ne soyez point jugé. Ou mieux que qui es-tu pour juger le serviteur d'autrui? Qu'est-ce que tu leur répondras? En plus, nous jugeons. Parce que la Bible dit quoi? Dans l'une des 1 Corinthiens, on dit jugez-vous dans même. Est-ce qu'il est convenable que la femme supplie sans être valée? Donc, la Bible nous exhorte à faire un jugement, à être un jugement en toutes circonstances, surtout quand il s'agit de la parole de Dieu. Donc, lorsque quelqu'un dit qu'il vient de Dieu et qu'il s'est présent comme un prêtre de Dieu et qu'il parle de la part de Dieu, alors il faut que celui qui dit soit vraiment conforme aux Écritures. Quand ce n'est pas conforme aux Écritures, nous avons le devoir de lui dire cela, de lui dire la vérité et de le ramener vraiment dans la voie du Seigneur, afin qu'il se réponde. Je crois qu'au sorti d'ici, il y a dans la deuxième partie de cette émission, de cet enseignement, ou mieux de ces examens minutieux des prédications, de quelques prédications de Makoso, à la lumière de la Bible, le frère Paul Espérant voudrait en ce moment-là faire des résumés ou bien des conclusions. Je lui avais demandé de garder ici la conclusion active. Je crois qu'aujourd'hui, plaise au Seigneur, il fera cette conclusion-là, comme il le voulait. Donc, frère Olivier, daigne fermer ton micro, comme ça on passe la parole au frère. Au frère Jacques Bissan de Lomé au Togo qui fera la part belle de faire le résumé de ce que nous avons vu la dernière fois afin que nous continuions ce soir. Le frère Jacques, tu as la parole. Qu'avons-nous vu concernant la deuxième partie de cette vidéo concernant la révélation dite de l'huile d'onction dont nous a servi votre frère et votre voisin Makoso Camille? Allô? Oui, mon frère, tu nous as suivis, n'est-ce pas? Oui, allô, vous m'écoutez, non? C'est sûr, c'est. Allô? D'accord. La fois passée, la dernière fois, nous avons vu aussi quelques extraits de David Makoso où il a encore tenu quelques propos qui ne sont pas aussi. Vraiment biblique. Et j'ai fait quand même un petit résumé que j'ai envoyé sur Skype, sur le forum. Donc, dans ce dans ce résumé, j'ai ressorti quelques phrases qu'il a eu à tenir concernant la parole de Dieu. Par rapport à sa visite, je ne sais pas s'il faut que c'est la peine que je rappelle tout ceci, mais nous avons parlé de la parole de Dieu par rapport à l'extrait que nous avons suivi. Nous avons parlé de l'huile d'onction. Nous avons parlé de l'huile d'onction et puis tu nous as conduit dans quelques passages où nous avons lu ces passages par rapport aux propos que le frère Junior et le frère le général Kamé Makoso a tenu et qui sont anti-scripturaires. Alors, dans ces passages, nous avons lu. Alors, voilà. Dans ces passages, nous avons lu Jacques chapitre 3, versets 5 à 18. 5 à 18, où la parole de Dieu définit la sagesse d'en haut. La sagesse d'en haut, comment cette sagesse se comporte. Alors, nous avons lu tous ces passages. Nous avons lu également Jean chapitre 4, versets 20 à 25, où la parole de Dieu nous montre comment que la parole de Dieu nous fait savoir que l'adoration de Dieu se fait en esprit et en vérité. Ce n'est pas dans un endroit donné où Dieu doit être adoré, mais il doit être adoré en esprit et en vérité par rapport à ce que le général Kamé Makoso disait par rapport à la terre d'Israël, par rapport à la terre d'Israël, où il ne peut pas voir où un chrétien qui meurt sans avoir mis les pieds en Israël, qui n'est pas vraiment un chrétien. Donc il doute sérieusement de son salut. Nous avons lu également 2 Timothée, chapitre 2, verset 21, et qui nous recommande de se conserver pur afin d'être des vases d'honneur, à être prêts à être utilisés. Donc, nous avons lu plusieurs passages, surtout dans le livre d'Apocalypse aussi, qui nous parle de l'huile d'onction, Apocalypse chapitre 18, où la parole de Dieu interdit formellement l'utilisation de l'huile d'onction. Au fait, l'utilisation, les personnes, l'huile d'onction est souvent utilisée pour au fait de sacrifier les âmes. Voilà. Merci mon cher frère. Donc, parlant de cet extrait-là, de ce bout de phrase de Apocalypse, chapitre 18, verset 13, où on en a mentionné là-bas, il est clair que là, on en a parlé de la chute de Babylone la Grande. Et durant ces jours-là, je vous avais expliqué, partant de là où il a dit que ce rabbin lui a posé la question de savoir, est-ce que vous savez, et il est allé dans la Bible, voulant démontrer que dans l'Église, même à la fin de l'Apocalypse, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, on parle de l'huile d'onction. Et là, il a mentionné Apocalypse chapitre 18, le verset 13. Et là, il se rend compte que là-bas, il parle pas de l'huile d'onction et que cette huile d'onction, lui, là, parle de Babylone, qu'on dit qu'on ne trouvera point chez toi ni les simanums et autres, ainsi de suite. Et on a vu effectivement qu'on ne trouvera pas l'huile là-bas et les âmes d'hommes. Et dans ce passage, je vous suis allé dans l'Ancien Testament vous montrer effectivement que lors de la délivrance du peuple d'Israël, Dieu avait utilisé sous Moïse une perche pour pouvoir, en disant qu'il fasse une forme de serpent pour que tous ceux-là qui étaient jadis maudits par le serpent fixassent leur regard là-bas et qu'ils soient délivrés de la puissance de monstres de serpent. De la même façon, plusieurs années après la mort de Moïse, lorsque les enfants d'Israël étaient entrés dans le pays d'Israël, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à adorer ce serpent-là. De la même façon, comme Christ est venu à la croix, souvenez-vous dans Jean chapitre 3, il est dit que même que Moïse éleva le serpent dans le désert afin que ceux qui fixaient les regards sur ce serpent-là soient sauvés. De la même façon, le Fils de l'homme sera élevé afin que tous ceux qui fixent le regard sur lui soient sauvés. Nous avons vu que comme la croix, comme pour le cas de Moïse, l'objet du symbole de la délivrance a plus tard été servi comme objet d'adoration par rapport à Lucifer. Parce que clairement, on a dit dans la Bible, et nous avons lu ça dans le livre des deux rois, que les Israéliens avaient donné même un nom de divinité derrière. Or, la délivrance avait eu lieu des années plus tôt dans le désert et cette délivrance était terminée. De la même façon, nous avons vu en comparaison avec cela, puisque ce sont les symboles, les mêmes symboles d'adoration, de quoi, de délivrance, nous avons vu que la croix qui a servi d'enlever la malédiction qui pesait sur l'humanité tout entière, y compris même dans tout l'univers, le péché qui avait été commis par la désobéissance d'Abdam et par cette incursion de Satan dans le camp des saints, par, à l'issue de cette délivrance par la croix du Seigneur Jésus-Christ, les gens ont continué à adorer au travers de cette en utilisant la croix. Et nous voyons aujourd'hui les gens qui utilisent le symbole de la croix comme c'est un symbole de délivrance. C'est un symbole de délivrance, mais il n'y a aucun acte de culte derrière. Tout ce qu'on fait avec cette croix-là maintenant, c'est exactement ce que les Israéliens faisaient. Vous allez voir donc aujourd'hui les gens qui marchent avec la croix dans la voiture, pendant dans les voitures. D'autres dorment carrément avec ça dans leur chevet de lit, d'autres ont cela dans leur cou, d'autres ont ça comme chaînette, ainsi de suite. C'est de l'idolâtrie. Un autre esprit s'attache là derrière. Parce que Christ a vaincu le péché une fois pour toutes et il s'est assis à la droite de la majesté divine dans le lieu céleste, attendant que ses ennemis soient mis sur son marche-pied. Point final. Donc, alors, nous voyons effectivement que, et prenant cela, j'ai dit effectivement, en prenant le cas de cette similitude, on a vu que l'huile d'onction, telle que parlée dans le livre d'Exode, chapitre 30, chapitre 28 à 30, était sous Israël pour un sacerdoce bien déterminé. Après cela, il n'y a plus jamais eu d'huile d'onction nulle part que la Bible parle. Et nous voyons effectivement que c'est la même technique que Satan a utilisée pour introduire cette magie-là au milieu de l'église, au milieu des Babylones. Et ça se trouvait donc en plein Babylone. C'est ce que nous avons vu. En résumé, dans ce moment-là, dans cette sortie-là, n'est-ce pas, mes chers frères et sœurs? Oui, frère. Vous permettez donc que nous continuons le temps que nous disions bonsoir à ceux qui viennent d'arriver. Est-ce qu'on peut commencer maintenant? Oui, frère, on peut commencer. Voilà. Le frère Achinda, tu nous entends? Oui, je vous entends très bien, le frère Junior. De façon attentive, n'est-ce pas? Oui, oui. Alors maintenant, prenons le livre de... Et je crois que plusieurs fois dans les deux dernières émissions, nous avons vu... Je vous ai donné le livre de 2 Pierre. Et notez cela, que ce soit des socles. Le livre de 2 Pierre au chapitre 2. De verset 1 jusqu'au verset 22. 2 Pierre, chapitre 2. Verset 1 jusqu'au verset 22. Notez également, je crois qu'à l'issue de ceci, s'il vous plaît, daignez faire le résumé de chaque enseignement que nous faisons avec les versets bibliques pour que les gens qui y sont puissent avoir à soi. Le frère Kwame Frank Dor, bonsoir et bienvenue. Vous avez du bruit chez vous, le frère Franck. Donc, bonsoir et bienvenue. Bon, pourtant, ce micro est ouvert. Alors, pendant que vous ouvrez, 2 Pierre, donc, chapitre 2, notez les versets 1 jusqu'au verset 22, puis notez également 2 Timothée, chapitre 4. En tout temps, si quelqu'un est proche de son clavier, il peut écrire cela dans le forum, comme ça, on ne posera plus de questions concernant cela. On peut continuer donc. 2 Pierre chapitre 2 verset 1 à 22. 2 Timothée chapitre 4 verset 1 à 2. Vous y êtes? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Alors, dans ce livre de 2 Pierre que nous avons, je vais citer rapidement pour qu'on continue. Dans ce livre de 2 Pierre au chapitre 2, la Bible déclare, si vous vérifiez principalement les 4 premiers versets, puis le verset 15 au verset 19, la Bible nous fait état des deux points principaux. Le frère Dor, daigne fermer ton micro parce qu'il y a des bruits chez toi. Alors, la Bible déclare dans le livre de 2 Pierre, chapitre 2, à partir du verset 1, la Bible déclare qu'il y a eu parmi le peuple des faux prophètes. Il y aura de même parmi vous des faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, régnant le maître qui les a, le frère Dor, il y a du bruit chez toi. Il nous entend. Le frère. Oui. Le frère Mardoché, Kwame, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, président. Tu as commencé avec le retrait dont l'esprit t'a parlé la dernière fois. Vous voyez, c'est désagréable ce son ce qui sort de chez Ndor là. Le frère Ndor, si tu nous entends, daigne couper ton micro. Merci. Que Dieu te bénisse. Alors, le frère Mardoché Kwame, il pose la question, as-tu commencé avec ce retrait et cette intimité avec le Seigneur, avec l'Esprit? Répondre à la question, j'ai pas trop saisi. As-tu commencé donc, est-ce que tu t'es retiré en aparté pour pouvoir travailler avec le Seigneur depuis? Non. Donc, dans ce livre de 2 Pierre au chapitre 2, la Bible déclare qu'il y a eu parmi le peuple des faux prophètes. Il y aura parmi vous, de même parmi vous, des faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Puis dit, plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. La voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. La Bible déclare que il régnit. Remarquez très attention ce que on dit par cupidité. Soulignez le mot par cupidité. Ils trafiqueront de vous au moins des paroles trompeuses. Voilà le mot. Par cupidité. Ça veut dire que ce sont des gens. On dit qu'ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses. Ça veut dire que ils ont là-bas sur le cœur le but, leur objectif. C'est donc pour cela que vous allez voir que tout tourne autour de l'argent et ils veulent s'enrichir, ils peuvent brandir leur richesse n'importe comment. Donc la Bible déclare par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen. Ça veut dire qu'ils vont trouver, quand on dit trafiqueront, ça veut dire que c'est le commerce. Ils vont faire le commerce avec vous par des paroles. Ça veut dire qu'ils vont vous avancer des paroles. Le but, c'est de faire du commerce. De puiser de vous des ressources pour pouvoir s'enrichir. Et c'est même de cette même ressource là qu'ils viennent se vanter. Ils vont venir et dire que en réalité, ce n'est pas vous qui les bénissez, ils sont bénis parce que c'est Dieu qui les a bénis. Le frère Laurent depuis le Sénégal, bonsoir et bienvenue. Laurent Gomis. Bonsoir, père. Ça va bien, bonne arrivée. Tu es, va bien. Merci tu, es où, tu es où, du côté de Dakar ou bien des Ziguinchor? Je suis à Dakar. À Dakar. Comment va Dakar ce soir, la belle? Ça va bien. Tu me vois, n'est-ce pas? Non, pas encore. Mais tu vois qui donc sur ton écran? Attendez, je vais régler la vidéo. Tu vois l'écran, tu vois ton écran? Est-ce que tu nous vois, mon frère? Bon, il faudra prendre patience avec lui. Vous savez, c'est la première fois qu'il se connecte depuis Dakar. Donc, il va falloir qu'on prenne patience avec lui, n'est-ce pas, mes frères? Nous sommes d'accord. D'accord. Je crois que vous aurez le temps de lui expliquer comment ça se passe. Surtout, vous remarquez très attentivement qu'il y a des enfants qui bavardent là-bas. Donc, ça veut dire que quand vous êtes connecté dans un endroit où il y a des bruits, par réflexe, fermez le micro pour que ça ne dérange pas. Ou mieux, vous mettez hors d'état de bruits. Là où, dans des zones où il n'y a pas de bruit, d'accord, mes frères bien-aimés, pour que ça soit suitable, comme on dit en anglais, que ça soit agréable, le bruit, quoi, le son soit agréable. Bon, maintenant, je tente de le dire, dans ce verset 2 Pierre chapitre 2, il est dit que par cupidité, ils trafiqueront de vous. Le frère Laurent Gomis de Dakar au Sénégal, si tu nous écoutes, prépare-toi qu'il n'y ait pas de bruit autour de toi, et puis tu ouvres ton micro, tu nous reviens. Alors, il dit, d'accord. Par cupidité, ils vont trafiquer au moins des paroles trompeuses. Ça veut dire qu'ils ont fait l'école biblique, ils ont les techniques de marketing, ils ont le style de marketing des réseaux, le but c'est le capitalisme à outrance, puisant des poches des fidèles pour pouvoir se faire un royaume et sortir de la pauvreté au détriment des gens. Et donc Dieu dit, il dénonce là par cupidité, ils trafiqueront de vous. Ça veut dire que c'est... Nous avons là un problème. Et, permettez-moi de détecter où ce bruit ici sort. Oui, c'est du côté du Sénégal. On fait beaucoup de bruit au Sénégal. Ça, c'est au Sénégal. Ça. Bon, mon frère Laurent Gomis, tu sais où se trouve son micro sur ton écran? Attendez, je vais essayer de fermer le micro. Oui, merci beaucoup. Le frère Olivier, comment va madame depuis votre depuis le travail que nous avons fait? Ton micro est fermé. Je crois que du côté du Sénégal, c'est fermé déjà. Voilà. On n'entend plus de bruit, c'est bon. Le frère Olivier Angaran, ton micro est également fermé. Bon, le temps que ça s'ouvre. Alors, c'est fermé toujours, on ne t'entend pas. La Bible déclare donc que par cupidité, vous trafiqueront de vous au moins des paroles trompeuses. Et là, Dieu nous montre clairement que leur objectif, c'est de s'enrichir au-delà des gens. Parce qu'on dit, ils trafiqueront de vous. Ça suppose que le vous à qui cette parole s'adresse doit faire attention pour qu'on ne trafique pas sur leur dos. Parce qu'il dit, ils trafiqueront de vous au moins des paroles trompeuses. Là, à Dakar, du côté de Dakar, le micro est encore ouvert. Clique une fois sur le micro. Clique une fois sur le micro et tu verras la barre sera écrit micro désactivé. D'accord, je vais quitter après, je vais revenir. Oui. C'est la première fois. Oui, oui. Il n'y a pas de problème, d'accord, mon frère. Clique là-dessus. On va supporter le cri de Dakar. Même quand il y a souvent les paris Dakar, le cross-country, on supporte toujours avec la poussière qui vient des déserts du Sahara. Bon, maintenant, alors la Bible déclare que par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Ça veut dire que ce sont nous, les chrétiens, qui devront être leur fond de commerce. Et la Bible déclare qu'ils vont faire cela par cupidité. Ça veut dire que dans le cœur, il y a des mauvaises motivations. Il y a des mauvaises motivations et qui vont trouver dans des mots pour pouvoir flatter, tromper, pour pouvoir remplir leur poche. Au-delà de cela. Maintenant, le verset 15, qu'est-ce que ça dit? Le verset 14 et verset 15. Vérifiez ce que ça dit là-bas maintenant. De ces 2 Pierre au chapitre 2. Vous y êtes? La Bible déclare au verset 14. Ils ont les yeux. Vous y êtes? Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Puis on conclut en disant, ce sont des enfants de malédiction. Vous avez vu le verset 14? La Bible les appelle les enfants de malédiction. Leur cœur est exercé. Donc quand ils passent le temps dans la méditation, l'administration tourne autour des formes, comment on fait pour avoir l'argent. Vous prenez 100 vidéos de ces personnes, vous verrez que toutefois, on parlera toujours de l'argent, de la richesse, des biens terrestres, des biens matériels, de la richesse, de la gloire humaine. Le cœur exercé à la cupidité. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Puis le Saint-Esprit conclut, ce sont des enfants de malédiction. Ils ne peuvent pas savoir faire que cela. Pas étonnant donc que le culte va tourner autour de leur personne. Mais maintenant, je veux donc que dans la Côte d'Ivoire, dans la sainteté et dans tout le monde entier, vous retenez cette marque déposée des serviteurs du Seigneur dont Jésus nous a fait état dans le livre des Jean au chapitre 7, le verset 18 que nous allons consulter maintenant. Dans ce livre des Jean au chapitre 7, il est fait état de la fête des tabernacles, la fête des Juifs qui était à Jérusalem et Jésus-Christ discutait avec ses frères. Il lui demandait de monter à cette fête et il lui a dit qu'il monte, lui ne montera pas. Mais au milieu de la fête, Jésus justement est monté. Et durant cette fête-là, tous ceux qui sont venus à Jérusalem se posaient la question si Jésus lui-même va venir dans la fête. Mais au milieu de la fête, donc, il va se pointer dans le temple et va commencer à enseigner la foule au point où personne ne lui mettra la main dessus. Et là, les mimi vont commencer dans l'assemblée. Les juifs se posaient des questions et disaient, c'est un homme de bien. D'autres disaient non, il égale la multitude. Et puis d'autres disaient, les pharisiens cherchaient, voilà, les chefs de peuple qui cherchaient à faire mourir le Seigneur. Cet homme-là, est-ce qu'ils l'ont reconnu comme étant prophète? Et puis à cause de cette murmure là, il cherchait à mettre la main dessus. La Bible déclare parce que ce n'était pas encore son œil, il ne pouvait rien faire par rapport à cela. Mais maintenant, le Seigneur Jésus-Christ va dire quelque chose dans ce verset 18 qui donne une marque déposée des serviteurs. Qu'est-ce que ça dit, mon frère, qui peut nous lire cela dans ce livre de Jean chapitre 7, le verset 18 seulement? Avant qu'on passe à la vidéo proprement dite de votre frère bien-aimé, le voisin d'Aceto. C'est Aceto, c'est pas ton voisin. Comment tu fais comme ça? C'est mon voisin. Il faut aller de temps en temps le saluer. Hein? Tu dis que le frère Junior de Dolo Cameroun le salue. Pourquoi tu parles de qui même? La personne dont nous parlons dans cet enseignement. Alors, dans Jean chapitre 7, verset 18. Il est comment? Papa, mon voisin de... Il y a longtemps, tu l'as fui. Il t'avait même fait quoi même? Pourquoi tu le fuis? Ton frère. Non, c'est pas lui, hein. C'est qui? Oui, c'est un autre. Campbell Dieu le dort. Qui? Campbell Dieu le dort. Campbell Dieu le dort. Mais il est, pour le moment, il est chez vous là-bas. C'est son ami, hein, non, ils sont même les frères jumeaux, ils se ressemblent même. C'est toujours les deux généraux, n'est-ce pas? Oui, c'est son frère jumeau. Qu'est-ce qu'il t'a fait, lui, Campbell Dieu le dort, étant ici au Cameroun? Il a fait quoi? Non, il m'a rien fait, seulement qu'il a posé sa main sur ma tête. La richesse n'est pas venue dans ton corps? Ah, bon, comme moi aussi, le Seigneur avec moi là, ce qu'il a voulu faire là, ça n'a pas passé. Il voulait faire quoi? Il voulait taper ta tête là pour que tu apportes tes richesses. En tout cas, c'est ça. Que Dieu vous bénisse. Alors, le verset 18, le verset 18 du chapitre 7 des Jean, qu'est-ce que ça dit, mon frère Espérance? Celui qui parle de son propre chef cherche sa propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai. Et il n'y a point de justice en lui. Là, le Seigneur fait état des serviteurs envoyés. Face aux serviteurs autoproclamés qui ne peuvent pas faire quoi que ce soit en dehors de présenter sa personne et sa gloire. C'est donc pour cela que le culte va tourner autour de sa personnalité, de ses avoirs et de toutes ses prouesses. Mais remarquez ce que le Seigneur Jésus dit ici. Enfin, le verset précédent dit que si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si sa doctrine est de Dieu ou pas. Puis il dit effectivement, il donne ce principe-là que celui qui parle de son propre chef cherche sa propre gloire. Ça veut dire que si tu parles de ton propre chef, ça veut dire que tu n'as pas été commissionné. Mais si tu as été commissionné, tu vas chercher la gloire de la personne qui l'a commissionné. L'apôtre Paul va dire ceci dans le livre de Timothée en disant qu'il n'y a pas de soldat qui veut plaire à celui qui l'a enrôlé, cherche à plaire au monde. Vous vous souvenez de ces paroles-là? D'accord, mes frères? Donc, le Seigneur Jésus-Christ met ici une marque pour reconnaître les serviteurs. Quand ces serviteurs sont envoyés, ils viennent annoncer quelqu'un. Depuis l'Ancien Testament, il n'était pas question de serviteurs dans leur message. Il était question de Dieu. Quand les serviteurs venaient, quand Élie va se présenter dans le livre de 1 Samuel, quoi, 1 Roi, chapitre 18, il va dire jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés. Si l'Éternel est Dieu, allez vers lui. Si c'est bas, allez vers lui. Il n'est pas question d'Élie dans le message. Dans Jean-Baptiste, il n'est pas question de Jean-Baptiste dans le message. Malachie, il n'est pas question de lui. Jérémie, il n'est pas question de lui. Ainsi par l'Éternel, il dit ce que Dieu a dit, de retourner et de réformer les voies. Daniel, il n'est pas question de lui. Mais curieusement, et même les disciples du Seigneur Jésus-Christ, la Bible déclare que ce n'est pas nous, nous ne prêchons pas nous-mêmes, c'est Christ le Seigneur que nous annonçons. Vous voyez cela? Nous ne prêchons pas nous-mêmes, c'est Christ le Seigneur. Parce qu'il a dit quoi? Jésus, notre Seigneur, a dit quoi? Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Je vous envoie. Alors, quand il nous envoie, nous parlons de lui. Il est question de lui dans l'évangile. Il est question que les gens retournent à lui. C'est lui, le bon berger, celui qui est mort et ressuscité pour nous. Pour notre justification, c'est lui qui est mort pour nous réconcilier au Père. Donc, il est question de lui. Donc, d'où vient-il donc? Enfin, en fait, ici, je vais le présenter que lorsque vous suivez des prédications, la Bible a déjà dit, et nous avons vu cela précédemment dans 2 Pierre chapitre 2, qu'il y a eu parmi de faux peuples, de faux prophètes. Il y aura parmi vous des faux docteurs qui introduiront. Donc, ils vont introduire un style d'enseignement et ces enseignements vont éloigner les gens du Seigneur. Vous voyez, ils introduiront des fausses doctrines et qui régnant les maîtres qui les a rachetés. Vous voyez, effectivement, donc par leur enseignement, ils enseignent autre chose. Dans 2 Timothée au chapitre 2, Dans 2 Timothée chapitre 2, vous voyez effectivement que la Bible déclare qu'il faut que tes progrès soient connus de tous afin que tu saches bloquer ces contradicteurs-là. Et la Bible nous dit dans ce 2 Timothée chapitre 2 là qu'il faut qu'on n'épate pas au-delà et qu'on n'enseigne pas autre chose autre que les saines doctrines. Qu'on ne va pas dans les contradictions et dans ces maladies oiseaux et ainsi de suite. Alors, Dieu nous met en garde ici dans ce livre de Jean chapitre 7, verset 18. Une fois de plus, je réitère que ici on peut reconnaître qui sont les envoyés. Parce que les envoyés annoncent et prêchent pour la gloire de celui qui l'a envoyé. Mais si quelqu'un s'est proclamé, il va trouver quelque chose pour prêcher parce que la Bible déclare qu'ils ont pour Dieu leur ventre. Oui, parce qu'ils ont le désir de plaire à eux-mêmes. Il dit dans cette fois-ci, c'était Philippiens chapitre 3, le verset 17. Ils ont pour Dieu leur ventre, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Et en faisant comme ça, la Bible déclare qu'ils sont ennemis de la croix de Jésus-Christ de Nazareth. Vous me suivez? Donc désormais, vous avez les outils bibliques. En suivant une prédication, la question première et centrale doit être cette prédication-ci, c'est pour la gloire de qui? Côte d'Ivoire dans la sainteté, bonsoir. Bonsoir, frère. Vous êtes déjà fatigué, on n'est pas encore abordé. On peut avancer. On n'est pas fatigué. Oui. Voilà. La sœur, c'est tout là. On vous écoute. La sœur, c'est tout là. Ton mari, tu as dit qu'il vient de rentrer du travail. Si c'est fort, tu écoutes, tu éteins la caméra, tu peux t'occuper de ton mari, d'accord? Il ne faut pas qu'on dise que frère Junior divise les familles, divise les foyers. Vous savez que je ne serai jamais là pour diviser les foyers, n'est-ce pas, et les familles. Souvenez-vous que, en tant que femme, vous devez vous soumettre à votre mari. Même si vous allez suivre les enseignements, il vous dit, arrête-moi ça, tu vas me faire à manger. Toi, tu dis, mon Seigneur. Tu dis bonsoir. Ah, dis-lui bonsoir de ma part. Dis-lui qu'il est mon ami. Hein. Il dit de prier beaucoup pour lui. Oui, mais dis-lui qu'avant, je vais lui dire, c'était une chose le concernant par rapport aux activités qu'il faisait avant. Il dit, va que dimanche, il va le poser avec toi. Voilà. Là, il a compris. Ah, merci beaucoup. Dis, il veut prier pour lui, d'accord? Mais demande-lui qu'il y a quelqu'un là, un papa qui est le frère Yao, bonne arrivée, d'un fermer le micro avant qu'il ne dise que cette chose, comme il s'est présenté maintenant, son esprit est venu pas ici. Le frère Yao, d'un fermer le micro, merci rapidement. Alors, demande à ton mari, il y a un monsieur qui s'assoit sur, il s'assoit sur la natte et il lance des choses à terre. Qu'est-ce que ça a celui-ci à voir avec lui? Frère, vous allez parler de ça dimanche là. Oui. Bien, moi-même, je connais aussi. Tu connais ça, ce qu'il dit là? Oui, ce qu'il dit là, c'est la vérité. Ok, c'est bon, alors n'en parlons pas, on va parler de cette dimanche. D'accord, dis-lui qu'il ne fuit pas, dimanche. Que le Seigneur te bénisse. Merci, Côte d'Ivoire dans la sainteté. Lui, c'est ton mari, cette grâce-là qui est dans ta vie, je vois, ça ne fait que aller vers lui. Que Dieu le bénisse. Je crois que ton mari bientôt sera baptisé au nom du Seigneur Jésus. Amen, amen, donc, amen. Donc, cette histoire des musulmans, là, c'est terminé. Terminé. Voilà. Amen. Je crois que c'est un fils de Dieu que l'esprit de Mohamed a perturbé depuis longtemps. Le frère Yao, daigne fermer ton micro. Oui, qui parle là maintenant? C'est moi, frère. Le frère m'a douché quoi, mais d'ailleurs, fermez également ton micro. Ton micro est ouvert. Il y a du bruit. Je ne sais pas pourquoi vous habitez près des boîtes de nuit ou quoi. Pourquoi chaque fois, quand quelqu'un ouvre son micro, il y a du bruit autour, je ne comprends pas. À cette heure-ci de la nuit. Oui, le frère Olivier Angora voulait parler tout à l'heure. Ouais, au niveau du premier verset de 2 Pierre là. Oui. Deux, là. Oui. Les faux docteurs qui nous disent, comme il a dit qu'il y a le faux prophète. Oui. On dit réunion, il les a rachetés. Oui. C'est pas réunion le mec qui rachète, mais on dit réunion le mec qui les a rachetés. Oui. Il semble que c'est faux docteur racheté par le maître Jésus, par notre Seigneur Jésus-Christ. Exactement. En fait, non, ne t'inquiète pas, mon frère. J'attendais cette question-là depuis le lit. J'attends que quelqu'un me pose cette question-là. Merci d'avoir posé cette question pour attirer l'attention. Maintenant, quand vous lisez effectivement ces versets, il est question de régnant le maître qui les a rachetés. Souvenez-vous que le Seigneur Jésus est venu résoudre non seulement le problème du péché de tout, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Regardez très attentivement. La Bible déclare, regardez très attentivement, au verset 19, 20, 21 et 22. Regardez, prenez cela. 2 Pierre. Frère Paul Espérance, c'est lui qui disait à l'entrée que je l'ai manqué. Je les ai manqués, mais maintenant le voilà qui est presque déjà fatigué. Bon, maintenant, regardez. Ok, prenons à partir du verset 17. Suivez très attentivement. Souvenez-vous, tout à l'heure, nous avons lu le verset 14, où on a dit clairement que ce sont des enfants de malédiction. Les enfants du Seigneur ne sont pas des enfants de malédiction. Vous comprenez cela? Les enfants du Seigneur ne sont pas des enfants de malédiction. Mais maintenant, regardez. Je vais lire encore à partir du verset 12 de 2 Pierre chapitre 2. On va lire doucement avant de descendre là-bas. Mais eux semblent à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nés pour être prises et détruites. Ils sont nés pour être prises et détruites. Ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils périront. Ils périront par leur propre corruption, recevant ainsi le salaire de leur iniquité. Ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour, hommes tarés et souillés. Ils se délectent dans leur tromperie, en faisant bonne chair avec vous. Donc quand vous le voyez, vous croyez qu'il est vraiment avec vous. Et quand il rentre le soir, il partage l'argent avec sa femme, il se moque de vous bien même. Verset 14, ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé. C'est terrible, terrible. Exercé à la cupidité. Puis le Saint-Esprit dit, ce sont des enfants de malédiction. Après, écoutez bien très attentivement. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bozor, qui aima le salaire de l'iniquité. On va revenir dans ces enseignements-ci par rapport à la prédestination, bientôt, Dieu voulant. Puis il dit, mais qui fut repris par sa transgression, pour sa transgression, une ânesse muette faisant entendre une voix d'homme, arrêtant la démence du prophète. Maintenant, écoutez, verset 17, parlant encore même de ces gens, c'est depuis 2 Pierre chapitre 2, verset 1 et suivant. Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée à ces gens-là. Avec des discours, regardez encore, suivez encore, regardez. Avec des discours enflés de vanité. Donc, dans leur discours, dans leur prédication, vous pouvez trouver que toujours les choses que Salomon a dit que c'est vanité des vanités. Vous allez trouver cela là-dedans. Avec des discours enflés de vanité, ils amoncent par les convoitises de la chair. Ils vous présentent des choses comme ça, du monde comme ça. Waouh, pasteur, oui. Ah, les chrétiens d'aujourd'hui doivent vivre au-dessus. On ne doit pas être pauvre. Mais continuons seulement. Ils amoncent par les convoitises de la chair, les dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Vous pouvez lire cela dans le livre de 2 Timothée 4, verset 3. Maintenant, ils leur promettent la liberté. C'est ça le vrai problème. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Donc, dans le ministère de ces personnes, dit la Bible, ils vont promettre des délivrances. Ils vont promettre de la liberté. Il y aura la prospérité financière. Vous allez voir des affiches. Prospérité financière. Le ciel des bénédictions s'ouvre sur vous. Venez recevoir vos miracles. 400 sorciers doivent être terrorisés. Mais aucun sorcier ne meurt. Après, vous allez poser la question. Vous allez dire que c'est spirituel. Mais ils ont résolu ça spirituellement. N'est-ce pas le frère pour l'espérance? Comment tu es calme quand tu me regardes comme ça? Comment? Je ne parle plus. Mon frère, en fait, ce que vous dites là, quand on lit le livre d'Ézéchiel, on retrouve. C'est même fait là-bas. Voilà. Vous voyez, ça c'est Paul Espérance là maintenant. Ézéchiel chapitre 8 jusqu'au chapitre 11, n'est-ce pas? Avec les gens qui. Bon, voilà. Pas de pauvres. Oui. Ça, tout est relevé dedans. Donc ça veut dire que finalement la prédication est terminée. On peut arrêter la Bible ici. Non, on ne peut rien faire. Ils seront au milieu de nous. Pas vrai? Bon, après. Mais souvenez-vous, le pourquoi nous parlons d'eux, c'est parce que remarquez très attentivement qu'on n'a pas parlé du faux prophète Mohamed ici. Lorsqu'il touche Jésus, on touche. Ici, il est question des gens qui entrent au milieu chrétien et puis ils épient la liberté que nous avons en Christ, annoncent un autre évangile pour pousser les gens à être déchois de la grâce ou mieux encore de quitter Christ pour suivre la cupidité et la convoitise. C'est donc cela que l'apôtre Paul, mon grand frère, disait dans Luc de Galates, chapitre 1, au verset 6, qu'il y a des gens qui veulent renverser l'évangile de Christ. Ils veulent renverser. Pour renverser, ça, ils ne vont pas venir prêcher que la Bible est fausse. Non. Ça, on peut voir ça dans notre branche du satanisme. Il suffit de prendre des choses de la Bible, tourner un peu et sortir du sujet. Ils vont prendre, par exemple, Romains, chapitre 8, verset 19, que la création tout entière attend la manifestation des fils de Dieu. Il dit qu'il faut qu'on entre dans la politique, dans le football pour influencer. Vous voyez? On aura des problèmes. On aura toujours des problèmes comme ça. Alors la Bible déclare, il les promet la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. En effet, le frère Olivier, c'est là où je touche maintenant la question du premier volet, premier verset. La réponse va se trouver à partir du verset 20 et 22. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du Saint Commandement qui leur avait été donné. Remarquez qu'il n'est pas dit après avoir connu la vérité. Vous avez remarqué, dans ce verset 21, il est question de car mieux valait pour eux n'avoir pas connu. On dit la voie de la justice. Il n'est pas dit la voie de la vérité, ni même la vérité. Parce qu'on dit que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Donc ceux-ci connaissaient la voie de la justification, puisque les faux prophètes, les faux qui prêchent que le sang de Jésus purifie les péchés. Ils connaissent là, par la connaissance. Ils connaissent comment faire pour être justifiés. Vous voyez cela? Mais ils sont captifs par la cupidité, car ce sont les enfants des malédictions. Donc fondamentalement, le sang de Jésus a été versé parce que la Bible déclare dans le livre d'Hébreux qu'il a traversé jusqu'au ciel pour inaugurer pour nous une voie nouvelle, car il convenait que même les choses célestes soient purifiées par son sang. Vous voyez, c'est pas ce que vous saisissez. Alors, par conséquent, tout ce qui se passe là sur la terre, tout a été souillé et il fallait que le péché soit enlevé de partout. Christ a payé pour tous, fondamentalement, mais il est venu pour ses enfants, pour les regrouper à lui. Donc même les bandits, même ceux qui meurent là-bas, le Moumou, tout ce qui se court, leur péché a été pardonné. Voilà pourquoi ils ne partiront pas en enfer à cause de leur péché, mais à cause du fait que le Messie n'a pas été appliqué dans leur vie. Que Dieu nous vient en garde. La Bible déclare ici qu'ils sont nés pour être tout pris et jetés au feu. Mais regardez, la Bible déclare donc, il y a eu parmi le peuple de faux prophètes et il y aura parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses. Remarquez bien, on n'a pas dit de docteurs qui deviendront faux. Vous vous souvenez dans la première partie de cet enseignement, ce que nous avons vu en prenant 2 Corinthiens chapitre 11, au verset 13, où il était dit, ces hommes-là sont de faux apôtres. J'avais dit clairement qu'il n'y a pas de faux serviteurs de Christ. Voilà, le voilà encore là-bas. On dit, il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Il y aura parmi les chrétiens, au milieu des chrétiens, des faux docteurs. Donc ce sont les docteurs qui sont faux. Pas que ce sont les docteurs qui sont devenus faux, ils sont faux. On dit qu'ils introduiront. Quand on dit qu'ils introduisent, ça veut dire qu'ils sont venus avec. Ça ne se trouve pas à l'intérieur, ils sont venus avec. Or, 2 Timothée chapitre 4, verset 3 nous explique clairement qu'il y a des gens. Allons-y là-bas. Hein. Dans le livre de 2 Timothée, rapidement. Que Dieu vous bénisse. Prenons 1 Timothée chapitre 4 là, rapidement. Vous voyez, regardez verset 1 du chapitre 4 de 1 Timothée. 1 Timothée chapitre 4. La Bible déclare, mais l'Esprit dit expressément. Nous sommes dans 1 Timothée chapitre 4, le verset 1. 1 et 2, regardez. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Vous voyez, littéralement, d'une autre façon de langage, c'est exactement ce que l'apôtre Pierre a dit. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, il y aura parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attirent sur une ruine soudaine. Plusieurs les suivront. Vous voyez la séduction. Plusieurs les suivront dans leur dissolution. dont la voix manigancée dans les ténèbres pour venir séduire les gens sur la terre. Les dissolutions et la voix de la vérité, la voix de la vérité, la norme de la vérité qui avait été fixée sera débrayée, calomniée à cause d'eux. Ici, il dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Donc, vous voyez que ce sont les esprits qui viennent pour séduire. Et à des doctrines des démons. Or, le démon ne vient pas physiquement enseigner dans l'église, que non. Il enseigne au travers des êtres humains. Et donc, là-bas, dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 4, verset 1 à 4, on dit qu'ils viendront, ces faux docteurs-là, introduiront. Donc, il vient avec des esprits, une onction spéciale démoniaque pour introduire des faux enseignements. Donc, vous pouvez savoir quand quelqu'un est onctionné. Parce que si quelqu'un est onctionné du Saint-Esprit, il dira la parole de Dieu droitement. Mais s'il est introduit, si sur lui se trouve l'esprit démoniaque, il va parler parce qu'il a l'esprit de l'erreur. Et l'esprit de l'erreur ne conduira jamais quelqu'un dans toute la vérité. Que non, il va introduire les erreurs. Introduire des erreurs, commettre des erreurs, parce qu'il ne peut rien faire qu'introduire les erreurs. C'est l'esprit de l'erreur. Et le Saint-Esprit nous a averti ici que les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. J'ai réitéré encore ceci, les doctrines des démons sont introduites par le biais de leur trait d'union en milieu des chrétiens, parmi nous, des hommes envoyés par Lucifer. Alors la Bible déclare ici, verset 2, par l'hypocrisie de faux docteurs. Vous savez ça? Regardez, par l'hypocrisie de faux docteurs. Ça veut dire qu'ils sont conscients du fait qu'en réalité, ils n'ont pas été appelés de Dieu. En m'écoutant comme ça, ils peuvent savoir effectivement que c'est à moi qu'ils s'adressent. Parce qu'ils savent que ce n'est pas Jésus qu'ils ont rencontré. Ils ont une autre mission. Par l'hypocrisie. Hypocrisie des faux docteurs. Écoutez, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. C'est terrible. Le fleuve vivant en Goran, daigne fermer ton micro. Je ne sais pas si c'est l'eau qui coule chez toi. Donc, quand nous allons parler de cette fleuve d'eau vive qui coule dans les scènes des Écritures. Alors, donc nous avons compris ici qu'au milieu chrétien, parmi nous, se trouvent des gens qui se sont glissés, qui introduisent. Souvenez-vous, le mot introduit, ça veut dire qu'on est venu de l'extérieur avec. Pour ce qui est du milieu de nous, l'enseignement de Christ a été donné aux apôtres. Les fondations ont été mises une fois pour toutes. Et il nous a été dit de ne pas enseigner autre doctrine, autre que ce qui a été enseigné. Si quelque chose vient de l'extérieur pour y entrer, pour essayer de modifier la révélation déjà donnée dans les Saintes Écritures, ce sont les doctrines des démons. Et la Bible nous avait dit que si quelqu'un enseigne d'autres doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur, il est enflé d'orgueil. Et l'orgueil ne vient pas du côté du Seigneur Jésus. L'orgueil n'est pas un attribut du Seigneur, mais un attribut de son ennemi Lucifer. Et donc c'est pour ça que ces personnes-là peuvent être justement orgueilleux et imbues de leur propre personne, parce qu'en réalité, comme nous avons vu dans le livre de Jean chapitre 7, verset 18, ils annoncent leur propre personne pour leur propre gloire parce qu'ils n'ont pas été envoyés. Amen. Souvenez-vous de ce que nous avons lu dans le livre de Jean chapitre 7, donc Jésus a dit que si quelqu'un est envoyé, il est censé annoncer la personne qu'il a envoyée pour le glorifier. Mais si quelqu'un s'est recommandé de lui-même, c'est ce qu'il en a de dire, il va annoncer sa propre gloire. Donc, en voyant ce que Jésus a de dire, on peut juger s'il en a de glorifier la personne qu'il a envoyée. Et il a donc dit que c'est la marque donc des serviteurs de Dieu. Amen. Acte 3 donc, de Camille Makos. On peut y aller. Vous êtes prêts, frère? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Allez, on écoute. Allez, Camille, allons-y, on commence. Il y a les Juifs, 6 millions de Juifs ont été tués. Parce que l'animal d'Hitler n'a pas compris qu'il ne peut pas faire la justice de Dieu. Il dit, quand vous avez tué Jésus, nous, on va vous exterminer. Quel abrutissement. Hitler, ils ont tué Jésus pour qu'un animal comme toi, tu puisses donner ta vie à Jésus et être sauvé. Parce que Dieu ne te connaît pas, il t'appelle tribu païenne. Incirconcis. Ce n'est pas les noms que nous sommes attribués. Est-ce que ce ne sont pas les noms qu'on nous a donnés dans la Bible? Nous sommes des païens. Et quand le peuple d'Israël arrive, qu'est-ce qu'il doit faire? Ils doivent exterminer tout le monde. Aucun doit vivre. N'est-ce pas ce qui est écrit? Et nous sommes allés au musée. Tu nous présentes un peu comment Hitler a décimé le peuple juif. 6 millions de juifs. En Pologne, il y a plus d'un million de juifs qui ont été assassinés. On nous montre des chaussures qui les appartenaient. On nous montre des montres qui étaient dans la poche de un. Tout a été mis, décoré comme ça. Quand vous entrez, on vous montre un peu les discours d'Hitler. Comment sont partis. Et c'est mon fils, comme il s'appelle. D'autres, vous qui prenez le soin de me traduire de l'anglais en français. Quand vous entrez, la fraîcheur qui vous accueille vous donne la chair de poule. Hitler a massacré le peuple juif. J'ai posé la question au rabbi. Ce que tu dis est vrai. Mais nous nous sommes maintenant convaincus. Nous avons donné nos vies à Jésus. Est-ce que nous devons toujours utiliser l'huile? Pour nous, logiquement, ça ne doit plus exister. Et dit, toi et moi, nous allons prendre le livre que vous aimez le plus, la fin, qui est l'Apocalypse. Alors, vous vous souvenez donc, c'est là où il a pris l'Apocalypse, chapitre 18, verset 13, où il a vu, et nous allons voir encore cet acte-là avant d'avancer. Nous allons voir effectivement quand il va faire lire l'Apocalypse, chapitre 18, verset 13. Il va se rendre compte, et souvenez-vous de ce qui vient de dire, c'est le rabbin là qui va prendre, qui lui a demandé de prendre Apocalypse chapitre 18. Et quand il va lire maintenant devant son assemblée, il va se rendre compte que ça n'a rien à voir avec l'église, parce que ce n'est pas un ordre à l'église, ce n'est pas l'église qui en est utilisée. On a de dénoncer plutôt cela dans Apocalypse chapitre 18, verset 13, que ça se trouve dans Babylone. Suivons-le encore. Et il me conduit dans le livre d'Apocalypse chapitre 18. Donc le prédicateur qui est censé être conduit par le Saint-Esprit pour guider et expliquer la parole est conduit par un rabbin. Qui soi-disant est le gardien de ceux qui arrangent maintenant l'édition. Souvenez-vous de là où il va venir à ce que ses fidèles remarquent bien le carton au milieu du pupitre. Vous allez voir tout à l'heure. C'est le dénouement aujourd'hui. À partir du verset 13. Apocalypse, chapitre 18, le verset 13. De cinnamome, d'aromates, de parfums de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé. Avant de dire fine farine, il a dit quoi? D'huile. Il a dit quoi? D'huile. Il a dit quoi? D'huile. Continue. De fine farine, de blé, de bœuf, de brebis, de chevaux, de chars, de corps et d'âme d'homme. L'huile ne passera jamais. Alors, vous avez vu la texte technique, il s'est rendu compte justement devant cette lecture qu'en réalité, ça ne donnait aucune raison d'expliquer à l'église qu'ils doivent utiliser l'huile, encore moins l'huile dont on a déjà parlé. Et là, vous avez, pourtant, il partait démontrer que c'est le rabbin qui l'a conduit là-bas d'Apocalypse. Or, ce n'est pas ce qui s'est passé en réalité. Ce qui s'est passé en réalité, c'est qu'il a tapé sur Google le nombre de fois que l'huile apparaît dans le Nouveau Testament et puis il a réécrit ses différents versets. Dans son agenda, qui va venir lire, et puis il est venu comme ça lire, ça l'a surpris là-bas en pleine prédication. C'est ce qui s'est passé en réalité. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? C'est essayer de conditionner les auditeurs, comme vous voyez sur votre écran maintenant, de qui les écoutent, de telle enseigne que quand ils vont écouter, le fait qu'il les a déjà matraqués, à un moment donné, ils vont céder sans s'en rendre compte. Mais souvenez-vous, notez également Colossiens chapitre 2. Dans Colossiens chapitre 2, si vous lisez Colossiens chapitre 2, à partir du verset 1, la Bible déclare « Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont en Laodicée et pour vous, pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. » Le mystère, c'est que la Bible veut chaque fois que nous connaissions et qu'on soit rempli de cela, c'est ce n'est pas le mystère de l'huile d'onction, c'est savoir Christ. C'est de ça dont il est question. Et puis, verset 3 dit, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. C'est de ça dont il est important à l'église. C'est ça. Dans 2 Pierre également, on va parler de qu'on grandisse dans la connaissance de Dieu. Verset 4 dit quoi? J'ai dit cela. Voici pourquoi il dit cela. Et l'apôtre Paul, sachant que les Marcosos viendraient plus tard, parce qu'il a dit dans Actes des Apôtres chapitre 20 qu'il sait qu'après son départ, ils s'introduiront des loups cruels qui n'épargneront point le troupeau. Sachant cela, il a écrit au verset 4, suivez cela dans votre Bible. Il dit, je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Donc, au lieu que vous sachiez que il y a le mystère de Dieu, il y a pas, parmi les mystères de la Bible, il n'y a pas de mystère d'huile d'onction. Il n'y en a pas. Ce sont les inventions généraliques de tous les généraux de cette époque-ci. Ça ne se trouve, il n'y a pas de mystère dans l'huile. Il n'y en a pas de mystère dans l'huile. Ah, que Dieu nous vienne vraiment en aide. Que Dieu nous vienne en aide. Que Dieu nous vienne en aide. Vous voyez, chaque fois que vous allez entendre parler maintenant, le mystère de la femme de Caïn, le mystère, la Bible a déjà enveloppé ce mystère et elle les a déjà déroulés. Il y a le mystère de l'intégration des Juifs, le mystère de la chute des Juifs, le mystère de l'intégration des païens, le mystère de l'iniquité, le mystère de la divinité, les mystères sont clairement dits dans la Bible. Vous comprenez cela? Il n'y a aucun mystère dans l'huile d'onction. Alors, mes chers soeurs, si vous trouvez votre frère Camille Makoso, dites-lui de revenir à l'ordre. Dites-lui de revenir à l'ordre parce qu'il y a des choses, un bâton est agité contre lui. Alors, vous voyez ici, il est écrit dans ce verset 4, j'ai dit cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Écoutez bien, car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. En Christ. Puis il dit, ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi d'après les instructions qui vous ont été données et abondées en action de grâce. Vous devrez être rempli de ces instructions. Les instructions doivent être dans votre cœur et dans votre lèvre. Puis il dit quoi? Prenez garde. Nous sommes au verset 8 maintenant. C'est là où je vais m'arrêter. Dans Colossiens chapitre 2, verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, virgule. Enfin, dans notre prédication, nous allons voir effectivement qu'il y a l'une des techniques, comme la Bible a dit, c'est comme ça qu'ils vont faire pour pouvoir prendre les gens par la foi, par la proie, dans leur filet. Comme la Bible a dit par la philosophie, Dieu voulant, on va voir dans une prédication, vous allez voir effectivement comment les gens prennent les philosophies, développent pour tordre le sens des Écritures en prenant les gens dans leur filet. Il dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, que c'est un rabbin, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Fin de citation. Donc, la Bible nous a averti qu'on prenne garde, que personne ne fasse de nous sa proie par la philosophie, par les traditions des hommes, par les rudiments du monde et non sur Christ. Donc, en réalité, le Christ est le poste central du royaume. C'est le point central de la prédication. Amen. Voilà. Allez, on continue. Quand vous arrivez en Israël, chaque juif, je posais la question à notre guide qui est hébreu. J'ai dit, viens. Après que mon rabbin m'ait parlé, j'ai dit, viens. Parle-moi de l'huile. Avez-vous vu un commentaire sur le fait qu'il voulait montrer que les apôtres, l'église, utilisent l'Apocalypse? Vous avez vu, est-ce qu'il a fait un commentaire là-dessus? Pourtant, il montrait sur les strates là pour aller démontrer que c'est que le rabbin lui a dit. Mais mal lui en a pris. Mais comme il est un fin rusé, il a retourné et commencé à dire autre chose. Et personne n'a dit, mais tu voulais nous montrer que ton rabbin a présenté cela dans l'église, la Bible, comme il a dit, le livre que vous aimez le plus. Il a dit Apocalypse. Donc, il voulait prouver par Apocalypse que l'église utilise l'huile. Et pourtant, là, on parle de Babylone. Donc, en clair, il est en train d'enseigner clairement que son rabbin lui dit que vous êtes dans Babylone. Ça, c'est clair. N'est-ce pas, mes chers et sœurs? Côte d'Ivoire dans la sainteté, bonsoir. Amen. Amen. Oui, c'est ça, amen. Et pour montrer effectivement, il a ces deux bonsoir, croix. Bonsoir, frère. Bonsoir. Voilà, il a ces deux croix sur sa chemise rouge qu'il porte. Je rappelle pour ceux qui viennent de prendre, ça c'est la troisième partie de l'enseignement concernant le Camille Makoso à la lumière de la Bible. Et concernant ceci, vous voyez, vous pouvez taper cette vidéo si vous suivez dans son entièreté sur YouTube. C'est intitulé, je crois, Camille Makoso dans les révélations des mystères d'huile, quelque chose comme ça, sur YouTube. Donc vous pouvez trouver l'extrait, la vidéo totalement là-bas. Que le Seigneur vous bénisse. Allez, continuons. Il dit, c'est un secret que nous ne pouvons pas pour le Seigneur de donner à des étrangers. Car il est écrit dans notre texte qu'on ne prendra jamais cette huile pour mettre sur la tête d'un étranger. Pour les juifs, ils nous voient aujourd'hui comme des étrangers jusqu'à notre mort. Voilà. Maintenant, je vous pose d'abord la question avant qu'on continue, parce que c'est ça qui va nous montrer clairement qu'il est question ici des discours, comme on a vu dans le livre des deux pieds là-bas, ils trafiqueront de vous par des paroles trompeuses. Avant de continuer, résumons d'abord les deux premières vidéos dans un seul mot. L'huile d'onction dont parle de la Bible dans Exode servait à faire quoi? Allô? Oui, vous m'avez entendu, n'est-ce pas? Oui, mon frère. Oui. Oui. L'huile d'onction servait à sanctifier le temple avec ses ustensiles. Est-il question dans l'Ancien Testament de l'huile d'onction pour bénir le commerce de quelqu'un? Avec les sacrifices. Non, mon frère. Est-il question dans l'Ancien Testament de cette huile-là d'imposer sur de quelqu'un pour que quelqu'un soit guéri? Non, le frère Julien. Le Saint-Esprit a raison d'appeler tous ces gens-ci les enfants des malédictions. Mais écoutons ce qui va en découdre. Souvenez-vous, le but c'est on va pousser, parce que dans la première partie de la vidéo, il disait clairement que beaucoup de ministères sont perdus, beaucoup de chrétiens sont perdus à cause du fait qu'ils ne connaissent pas le mystère de l'huile. Et souvenez-vous, il n'y a point de mystère d'huile dans la Bible. Maintenant, suivons-le. Ils ne croient pas en Jésus. Quelqu'un dit amen, je continue. Il y a dit, mais viens. Moi, je suis étranger, certes, mais parle-moi un peu de la signification de l'huile. Il dit, tu ne rentreras jamais dans une famille juive et tu ne trouveras pas de l'huile sainte. Bon, maintenant, ça également, cette syllogisme peut aussi être vrai parce que le pain aussi est sur toute la table des peuples juifs. Qu'est-ce qu'on en dit là maintenant? Parce que partout, il y a le pain. C'est normal parce que l'huile est exactement comme le cacao en Côte d'Ivoire. Pas vrai? Oui. Bon, continuons. Jamais, matin, avant que nous ne sortions, c'est avec cette huile que nous parlons, que nous touchons et nous sortons. Il est impossible que ce que nous partons entreprendre soit parachevé d'un échec. Et ce n'est pas possible. Vous voyez la façon, la tournure qu'il en est de prendre, n'est-ce pas? Oui. Avez-vous vu un verset biblique qui dit que les Juifs... Ça maintenant, c'est sur le plan physique. Ils disent que c'est le rabbin qui lui a raconté. Avez-vous vu un verset biblique qui dit que les Juifs, en sortant le matin, prennent l'huile d'onction, parlent là-dessus, c'est où pour aller faire leurs activités? Non. Les Juifs sont-ils dans la Bible? En lisant Deutéronome chapitre 28 jusqu'au 29, chapitre 29, les Juifs sont-ils bénis parce qu'ils utilisent l'huile d'onction ou bien parce qu'ils obéissent au commandement de leur Dieu? Non. Est-ce qu'il est écrit dans l'huile de Deutéronome que si vous utilisez l'huile d'onction le matin, le soir, en évoquant mon nom, vous serez bénis à l'aller, l'ennemi viendra par un chemin et il rentrera par sept? Est-ce que c'est de lui dont il est question? Non. Je crois que c'est la sœur Astrid qui va délivrer ma cause aussi. Il se ressemble même les deux là-même. Continuons. Le mystère d'Israël est bâti sur le mystère de lui. Vous avez entendu ça? Il dit le mystère d'Israël est bâti sur le mystère de l'huile. Est-ce que ceci est bibliquement biblique? Est-ce que la fondation d'Israël, le mystère d'Israël, sous quelque forme que ce soit, est bâti sur l'huile? Non. Alors moi, ça me pose un problème véritablement. Ce genre, si vos frères qui sont assis là, je crois que j'ai vu le grand frère de Salassé assis tout là-bas. Ils font quoi là-bas? Vous voyez, chaque fois, je vous dis que lorsque quelqu'un prêche, il a la sueur sur lui, c'est parce que le muscle est exercé. Vous voyez effectivement comment il a la sueur, n'est-ce pas? On dirait que c'est une prédication sur la puissance du Saint-Esprit. C'est pas ça. C'est le muscle qui est excité, pas vrai, tout simplement. Donc, prêcher avec la sueur, prêcher avec le micro, fait du bruit, ne veut pas dire que c'est l'onction du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit confirmera la vérité. Amen. Amen. Continuons. C'est pour cela que vous rentrez dans le temps d'assignation. Tous les instruments doivent être d'abord sanctifiés par quoi? L'huile. Les activités, l'huile. Le poste de président, l'huile. Vous entendez? Jacob même s'est déplacé avec lui. C'est de ça qu'il parlait tout à l'heure. Comment? C'est quoi la soeur là? C'est pas ton grand frère là-bas? Hein? Tous ces gens-là, vous voyez là, ils sont les anciens, ils lisent la Bible. Vous comprenez donc que l'histoire de la Bible, les choses de Dieu, il ne s'agit pas d'avoir les cheveux blancs, n'est-ce pas? Oui, mon frère, je ce n'est pas le problème des cheveux blancs. Donc, n'ayez pas peur que quelqu'un soit devant vous avec le cheveu blanc, avec le col blanc, avec la Bible grosse comme ça au devant de vous. Ne soyez pas effrayé. Quand vous avez la vérité, vous êtes du bon côté. Amen. Bon, je crois que la dernière fois ici, là, il n'y avait pas le volume. Donc, on avance rapidement. Bon. Lorsque l'armée dit avec une goutte de l'huile faite selon l'art du parfumeur. Et qui n'ont même pas l'huile faite selon l'art du parfumeur. Combien? À quoi? L'huile. Écoutons-le. Les activités, l'huile. Vous entendez? Le poste de président, l'huile. Jacob même s'est déplacé avec lui. C'est de ce qu'il parlait tout à l'heure. Vous entendez, non? L'huile. Seigneur Jésus. Jésus. Ça, c'est l'huile du nom maintenant. Ok, continuons. C'est le mystère d'huile. Combien de pasteurs sont dans le ministère pour adorer le véritable Dieu? Bonne question. Et qui n'ont même pas l'huile faite selon l'art du parfumeur. Voilà. Y a-t-il une condition requise pour le pasteur qui sait le véritable Dieu d'utiliser l'huile selon l'art du parfumeur dans les Saintes Écritures? Comment? Y a-t-il une injonction même de façon passagère, même de façon inexplicite, même de façon codée, que les pasteurs doivent utiliser l'huile pour que leur ministère fonctionne? Non. Votre frère, si, quelle version de la Bible? D'abord, répondez-moi. Il y a une autre Bible que la Côte d'Ivoire a écrite. Peut-être vous pouvez faire comme ça, vous avez une autre version biblique là-bas en Côte d'Ivoire. Mon frère, c'est sa propre Bible, même un peu de gris. Combien de fidèles qui veulent être riches n'ont jamais été touchés avec une goutte de l'huile faite selon l'art du parfumeur? Vous avez entendu, vous avez vu là où ça commence à continuer, n'est-ce pas? Combien de fidèles qui veulent être riches ont déjà été touchés par une goutte d'huile? Donc il a dit de signifier que ce sera une seule goutte suffit pour te rendre riche. Vous voyez où la prédication a de nous entraîner? Continuons, suivons-le. Toute richesse. Voilà ce qu'il a pris maintenant. Qu'est-ce qu'il a pris là? Et les gens font quoi? Lorsque l'armée d'Israël se déplace, j'ai posé une question. Comment est-ce qu'on appelle ça, cette bout de chiffon, de foulard blanc avec les rayés que les Israéliens, les Juifs portent sur leur épaule chaque fois? Vous connaissez ça, n'est-ce pas? Il s'enroule avec cela. Comment, frère? Qui parle même d'abord? J'entends seulement la voix de la personne comme si c'était sous le lit là. Frère Olivier, tu es où? Pourquoi ta connexion dérange aujourd'hui comme ça? Tu as peur de représailles de Makoso? Bon, maintenant suivant. L'échappe, hein? Non, c'est l'échappe. Bon, mais de toute façon, ça a un nom spécial. Mais de toute façon, regardez, suivez. Venez vous asseoir. À notre guide, je lui ai dit quelle est l'importance du talit. Voilà, vous avez entendu le nom, n'est-ce pas? Ça s'appelle le talit. Nous allons tout voir en milieu chrétien. Nous allons tout voir en milieu chrétien. Bon, maintenant, vous avez vu, regardez bien sur votre écran, cet homme qui était debout comme garde du corps, vous avez vu ce qu'il a déjà en main, n'est-ce pas? Dis-moi, frère, ouais. Décrivez ce que vous voyez qu'il tient déjà en main. Parce que c'est le moment de déballage maintenant des paquets et des recettes d'Israël, de la pénurie en Israël. Qu'est-ce que vous voyez entre ses mains? Il a un petit bocal couronné par une croix. Oui. Sûrement dans lequel se trouve l'huile. Voilà, donc c'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Tu as bien vu, vraiment comme le prophète Jérémie. Tout à l'heure. Il dit, c'est ce que Jésus lui-même, lorsqu'il veut prier, est obligé d'utiliser. Parce que chaque cordelette a une signification profonde. Lorsque Israël monte en guerre, les rabbins sont obligés de sortir avec le talit pour aller parler sur la vie des soldats. La guerre de 6 jours. Voilà. Donc, vous avez remarqué qu'il y a quelqu'un avec qui il a voyagé qui a un petit chapeau là sur la tête, exactement comme le juif l'avait, n'est-ce pas? Oui. Regardez, vous allez le voir. La vie de soldat. Vous avez vu? La belle. Donc, vous voyez. Donc, et il dit effectivement que. Voilà. Que la vie de, les rabbins sont obligés de sortir pour aller parler sur la vie des soldats. Maintenant, si vous regardez les guerres conventionnelles d'Israël dans la Bible, vous allez voir effectivement comment Dieu avait donné les ordres aux sacrificateurs, comment ils devaient faire les sacrificateurs, pas aux rabbins. Continuons. La guerre de 6 jours, Liban. Ça, c'est la guerre de Yom Kippour, dont vous avez en 1967, là-bas, dans la guerre où les Juifs ont pris possession des terres qui avaient été conquises jadis par les Arabes. Continuez. Syrie, Jordanie, Égypte se sont levés contre Israël. En 6 jours, ils ont corrigé tous ces pays sans aucun problème. L'Égypte s'est levée dans toute sa puissance. Écoute-moi très bien. Israël s'est levé un matin. Les avions ont survolé en basse altitude. Pendant que les Égyptiens étaient en train de crier « Wouh !» aussitôt que nous allons détruire Israël, ils attendent, boum, ils disent, on est en train de détruire Israël. Le président passe à la télévision. Il dit, j'ai le regret de vous informer que toute notre aviation vient d'être détruite par le peuple d'Israël. Aujourd'hui, il n'y a pas une nation au monde, même les États-Unis d'Amérique, qui peut prendre le risque de dire, Israël, nous ne sommes pas avec toi. Maintenant, alors je pose la question. La nation d'Israël est forte avec la brosse historique dont tu as dit de parler à cause du fait qu'il y a un Dieu en Israël qui défend le territoire d'Israël ou bien à cause de cette alixi avec les traits sur ça que les rabbins marchent devant le roi. Quand tu vas dans la sainteté, vous m'entendez? C'est la force de la force. Je repose encore ma question. Dieu a dit à Israël, depuis je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Donc en clair, il sera l'ennemi des ennemis d'Israël. Dieu a dit cela par le tissu qui tient entre les mains ou bien ce que les juifs utilisent pour prier ou bien c'est à cause de son amour pour Israël tout simplement. Alors votre frère si en train de délocaliser l'amour de Dieu sur quoi? Il a de pousser les gens à avoir leur focalisation sur quoi? Sur le talit, sur le tissu. Donc vous voyez le danger en milieu chrétien, n'est-ce pas? Donc il a d'abord présenté ses outils de travail pour l'argent. Il a présenté l'huile, maintenant il a présenté le talit. Et il présente maintenant les bienfaits du talit. Présenté, après avoir présenté les bienfaits, ce ne sont pas des marketistes, ça? Oui. Donc c'est quelqu'un qui peut te faire vendre, il peut te faire acheter une voiture dont le moteur a coulé. Ça c'est là. Continuons. C'est terrible, c'est regrettable. Tu veux être président de la République aux États-Unis? Fais ta campagne, parle. Mais le dernier jour, on te pose une seule question. Quel lien comptez-vous entretenir avec Israël? C'est là ton salut. Tu dis non, tu vas perdre. Même si tu as gagné, tu as perdu. Comment il s'appelle l'ancien président des États-Unis? George Bush. Va aux élections. George Bush a bel et bien perdu. Mais il dit, Israël, je suis prêt à aller en guerre avec vous. L'autre ne parle pas. On compte les voix, on récompte. Bush a perdu. On compte, on récompte. Bush a perdu. Bon, on sera obligé de compter. On compte à la main. Bush a perdu. On dit, bon, comme il a perdu et qu'il y a contention, on va donner le pouvoir à la Cour suprême de décider. Dans l'état de la Floride où son frère était gouverneur, on appelle les deux candidats, on dit, toi, tu as gagné. Toi, tu as perdu. Mais comme lui, il a une alliance avec Israël, toi, tu as perdu. Lui, il a gagné. Tu dis un mot, tu sors mourant. Toute nation qui s'est opposée à Israël a été maudite avec lui d'Israël. Et... Vous avez entendu? Oui. Oh. Ouais, dites à l'enfant de ne pas pleurer. Ouais. Alors, toute nation qui s'est opposée à Israël a été maudite avec quoi? D'après ce dit. L'huile. Israël a toujours remporté ses victoires. Fais Félix ou fais poignée avec ton pied. Il dit quand il va aller au ciel là-bas, il va aller gifler à Habakkuk. Pourquoi? Ah, je ne sais pas, il dit avec d'argent que les prophètes ne doivent pas être pauvres, ils doivent être riches. Donc, Habakkuk a parlé d'un truc là. Donc, quand lui met l'être ici, il s'est parlé le gifler. C'est lui qui a dit ça. Oui, il s'est entraîné sur la femme-là au Cameroun, non? Je cite, mais je n'arrive pas. Oui, il s'est entraîné sur la femme du Cameroun, là. Je cite, mais je n'arrive pas. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, continuons. Basilique. L'hôtel Ivoire. La plupart des belles voix que vous voyez. Tout ont été bâtis par les Juifs. Quand vous arrivez en Israël, on vous présente la forêt de Félix ou Fred Boyer. Écoutez. Pendant que personne, quand vous allez dans une chapelle, quand vous arrivez à côté de la chambre haute, quand vous arrivez, vous voyez ce que Félix ou Fred Boyer a bâti au cœur d'Israël. Bien-aimés, nous sommes à deux doigts d'entrer dans la gloire. mais aucune gloire ne peut se faire en coupant les ponts avec Israël. Vous avez entendu ça, n'est-ce pas? Mais lui, il a fini un mensonge. Il a fini un mensonge. Quand le son est fini, le son nous a amené là où il va annuler. Tu n'as rien vendu. Tu n'as rien sacrifié, toi. Écoutez. Tu n'as rien, va t'endetter. Tes deux pieds doivent absolument toucher la tête d'Israël pour que ton affaire à toi-même, tu puisses croire cela. Vous avez entendu? Oui. Donc, la soeur, c'est tout. Vends tout. Vends tout. On doit prendre crédit pour aller en Israël. Oui. Parce qu'il a le groupe qui fait le comité d'organisation pour pouvoir aller en Israël. Forcément, vous allez vous adopter, vous allez vous enregistrer là-bas et y aller. Pour aller vous laver dans la piscine de Bethesda. Et l'une des choses que les gens font, c'est aller là-bas. Pour même ceux qui ont été baptisés, ils disent qu'ils redédicacent, ils se rebaptisent encore pour de nouveau pour pouvoir se dédicacer à Dieu. Vous voyez, Satan, continuons. Si quelqu'un conseille, va dire Amen. Et les gens ont dit quoi? Ils ont dit Amen, ils ont applaudi. Vous avez vu ce que vous appelez chrétien aujourd'hui, n'est-ce pas? Donc, votre prédicateur lui de vendre tout. Vous devez absolument arriver en Israël. Vous devrez vendre tout. Même si vous n'avez pas, vous allez vous endetter pour aller en Israël. Et la Bible, ta Bible que vous avez entre les mains dit, ne devez rien à personne. Lui dit plutôt qu'allez vous endetter. N'est-ce pas terrible ça? Oui. On continue. Ou bien? On fait comment? Il est installé en France pour escroquer les gens là-bas. Il est allé en France? Non. Tu vois que je t'ai dit que c'était vraiment ton voisin. Il est installé là-bas, il est en train d'escroquer les gens. Je t'ai bien dit que c'était ton voisin, donc tu connais même ses faits et gestes, quoi. Allez, on continue. Maman. Écoutez, observez maintenant bien. Puisque les gens qui nous suivent ne voient pas l'image, vous voyez l'image, donc on va décrire au fur et à mesure. Vous voyez, il se rapproche maintenant vers ce garçon. Il met le talit, il étale le talit sur lui, il l'attache sur son doigt parce qu'il y a la façon de t'attacher. On te montre même où tu dois mettre ton pouce. Voilà. Parce que beaucoup ont ça. Ils sont allés en Israël, mais ils sont allés faire du tourisme. Ils sont revenus, n'ont jamais percé un seul mystère. Donc il y a le mystère, le talit regorge des mystères. Talit a une application de comment l'utiliser. Voici comment les juifs marchent avec le talit. Et lorsqu'il veut déployer l'armée de Dieu, cela fait en sorte comme si ce sont des ailes. Voilà. Et ils ne peuvent pas échouer. Qu'est-ce qu'il fait là? Il a porté son talit. Oui. Il va vers l'huile d'onction. Oui. Donc, de ce qu'il appelle l'huile d'onction. Et il en est d'ouvrir, n'est-ce pas? Et vous avez remarqué que la bouteille a pour sommet le haut avec la croix. Et il y a deux croix également sur sa veste, sur son habit rouge à l'intérieur de la veste. Maman, il faut sentir l'huile. Il ne faut pas toucher. Il faut sentir. Qu'est-ce que toi-même... Oh mon Dieu. Quelqu'un se va... Je demande à quelqu'un de s'approcher parce qu'elle ne pourra même pas tenir. Hier, yeah. Pendant que j'étais en train d'enlever l'huile d'olive dans le sac qui m'a été remis par mon rabbin, j'ai appelé mon épouse. J'ai dit, qu'est-ce que tu sens? Elle dit, je sens comme s'il y a de la chaleur là où tu te trouves. J'ai respecté l'huile faite selon l'art du parfumeur. Maman. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moins des paroles trompeuses. Ah. Quand tu sens cette huile-là, qu'est-ce que toi-même tu sens? Il y a quelqu'un qui a des bruits. Madoché Kwame, veuillez fermer le micro si vous avez des bruits autour de vous pour qu'on n'ait pas ce désagrément-là. Je crois que vous allez me distraire pour qu'on ne finisse pas avec votre frère. On va finir avec lui-là. Très bonne odeur. C'est un parfum différent que les parfums de valeur. Je vais demander un pasteur, viens s'il te plaît, toi qui es en bleu, oui viens, s'il te plaît, viens. Sens seulement, il faut juste sentir. Bon, souvent il dit dans ses enseignements qu'il a 10 000 pasteurs sous lui, qui touche de l'argent dans son église, quelque chose, il dit quoi d'autre 10 000 pasteurs. Ces 10 000 pasteurs là, Je pose encore la question. Vous avez votre version de Bible là-bas ou bien c'est une pasteur là lit la même Bible que nous lisons là? Personne ne parle plus. Bon. Dis-moi. On prend la question. C'est pas la même Bible. Et c'est 10 000 personnes dont il parle qu'il est leur chef, là, leur chef dans l'église quoi, de Côte d'Ivoire. Ils lisent la Bible et ils voient de la même façon qu'ils voient ou quoi? Le même esprit que ok. Mais mon frère, c'est là. Oui. Oui, mon frère Paul, tu dis quoi? Non, je disais que c'était des faux. Puisqu'ils sont de la même nature. Oui. Donc, pratiquement, c'est les mêmes idées, c'est les mêmes choses qu'ils partagent. Ce qui est faux. Donc, c'est ce qui va avec eux. Oui. Donc, ils ne font que. Donc c'est l'association des faussaires par convenance. Donc c'est l'association des faussaires par convenance biblique alors. Ok, c'est bon. Bien-aimé. L'huile est là. Non, quelqu'un m'a pas dit amen. Bien aimé, l'huile, cette huile est comme ton salut. Ouvrez le micro. Ouvrez le micro, voilà. Ah non, c'est vraiment vrai. Un grand bandit. Allah, on aura tout vu. Vous avez entendu, non? Vous avez vu, n'est-ce pas? Je n'ai rien à perdre, il va les faire payer, c'est son argent, il cherche. Et souvenez-vous, par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Vous avez suivi, qu'est-ce qu'il a dit ici? L'huile est comme notre salut. Ok, continuons, on continue. En fait, ici, il remplace l'huile par Jésus. Voilà, donc, alors, allons écouter, suivez encore. Cette huile est comme ton salut. C'est à cause de toi comme ça on nous fatigue. Nous adorons un Dieu qui est réel. Mais notre problème en tant que pasteur, c'est que nous ne sommes pas humbles pour dire que sur le chemin que nous avons pris, il peut avoir une erreur. Reprenons notre chemin. Jésus, si je me perds, ramène-moi dans ta voie. Même si pour cela je dois tout perdre, je ne suis pas prêt à perdre mon salut. Mon salut, jamais, jamais. Le salut, c'est dont il parle de quoi? De l'huile. De l'huile. L'argent. Voilà, c'est bien, les Ivoiriens. C'est entre vous. Consacré que par moi. J'ai dit au monsieur qui l'a tribu, je veux prendre beaucoup. Les voyageurs, lorsqu'ils sont venus avec moi, ont constaté une chose. Eux tous achetaient des choses. Le pacha de maman, mon tabac. Il achetait du diamant à 1 million de francs CFA. Vous avez entendu? Vous entendez, non? Il est hein? Un chaud dans son église. Donc il montre comme ça, et quoi, c'est pas son beau frère, c'est son petit frère. Il montre le diamant qu'il a acheté en Israël à 1 million de francs CFA. Suivez. Son alliance est du diamant à 1 million de francs CFA. Lorsque vous regardez nos bagues, toutes nos bagues ont changé. Toutes nos bagues ont changé. Jean, parce qu'il fallait, voilà. Il a pris aussi sa bague. Toutes nos bagues ont changé. C'est pas bague pour dire on va prier, okay, ça va marcher. Non. Parce qu'il est écrit sur cette bague. Barou, Atta, Adonai, Bechen, Yeshua, Amashia, honneur et gloire au Dieu d'Israël. Tout le monde fait des achats. Et qu'est-ce qu'on constate? Makoso n'achète rien. Les gens achètent. Ils disent, mais papa, tu n'achètes rien. Ils disent, non, moi, je n'achète rien. Tout le monde achète, ils disent, je n'achète rien. Quand on est arrivé, j'ai dit au monsieur, amène-nous dans telle famille. Il dit, comment tu le connais? J'ai dit, amène-nous là-bas. Lorsqu'on est arrivé net, les gens n'ont pas compris. Je commence à tirer toutes les bouteilles vers moi. Chacun commence à se battre pour prendre un peu. Il dit, calmez-vous. Vous vous trouvez sur mon réseau. Ici, c'est mon réseau. C'est moi mon réseau. Je voyais des femmes qui vont acheter. Vous voyez, il y a une petite bouteille d'huile, il y a un peu de grain, il y a un peu de sel. C'est du faux. C'est du faux. Les gens achètent à beaucoup, j'ai les gars, je ris. Donc vous voyez, effectivement, il veut dire par exemple que ceux qui sont rentrés d'Israël avec leur huile, c'est leur huile est du faux et c'est pour lui qui est le vrai. Voilà. Mmh. C'est pour lui qui est le vrai. Oui. Je ris. Il y a une maman qui vient dire, mais dis-moi le mystère. Il dit, non, c'est pas grave. Ce que tu as plein, ça peut aller. Et c'est moi qui viens te reconsacrer avec moi. Quand on arrivait à l'endroit précis, ils ont constaté que le général est en train de faire sortir maintenant ses millions. Je suis déchaîné. J'ai pris l'huile. Quelques-uns ont pris des bouteilles. Mais l'erreur qu'ils n'ont pas compris, c'est que l'huile, il y a une seule personne qui est capable de parler sur l'huile. C'était le rabbin. Dans le cas, lorsqu'on partait, il dit, moi je descends, je ne descends pas trop. Les voici tous. J'ai dit, je descends parce que je ne me sens pas bien. Lorsqu'ils sont revenus le soir, j'ai dit, mes choses sont arrivées. Mon eau venue du rabbin est arrivée. Il y a d'autres choses que je ne peux pas te dire. Chant. C'est pas ta soeur ici, la soeur, c'est tout. Le président, il la connaît pas. Ok. Je suis venu. Ce talit là, celui qui va prendre ça, écoutez, n'est pas encore dans cette salle. C'est ce talit qu'on porte. Et tu rentres chez un homme riche. Tu lui présentes le huile. Tu lui expliques ce qui est écrit dans le livre de Exode. Tu lui dis, toute huile qui a touché ta tête était pour te maudire. Voici la véritable huile qui vient d'Israël, faite selon l'art du parfumeur. De toi à moi, le riche va te faire une offrande de combien pour que tu me poses les mains avec cette huile? Alors, ami ivoirien, commentez-vous. Ma frère, je n'ai pas fait ça. Oh. Il va faire trois, au moins 5 rangs. Ceux qui vont payer. Vas-y, parlez. C'est votre frère. Alors, à Côte d'Ivoire, vous m'entendez, n'est-ce pas? Vous m'entendez? Je crois qu'on a une petite interruption là. Bon, de toute façon, continuons. Posez-vous la question! Moi, je suis venu, il y a deux petites bouteilles comme ça. Mon ami, mon affaire dans laquelle je me suis lancé là, c'est une affaire vraie. Je vais vous dire une chose. C'est un bonheur pour vous d'être au sein de la commission. Parce que désormais, chaque fin du mois, l'huile composée selon l'art du parfumeur arrive en Côte d'Ivoire par DHL. Rien que pour les pasteurs officiellement identifiés qui appartiennent à la commission. Voilà. Dès lors, la différence se fait entre vous et les autres. Car dans la vie, il y a les uns et les autres. Dans quelle catégorie toi tu te mets? La Bible nous enseigne Acte 21 à partir du verset 17. Lorsque nous arrivâmes à Jérusalem, c'est Paul qui parle. Les frères nous reçus avec joie. Le lendemain, Paul se... Vous êtes là? On a eu juste une petite interruption, d'accord? On est là, le frère Junior. Voilà. Donc, on écoute cet extrait dont il a dit. Je crois que vous avez manqué cela. Écoutez. Par exemple, l'huile. Tu lui expliques ce qui est écrit dans le livre de Exode. Tu lui dis, toute huile qui a touché ta tête était pour te maudire. Voici la véritable huile qui vient d'Israël, faite selon l'art du parfumeur. De toi à moi, le riche va te faire une offrande de combien pour que tu me poses les mains avec cette huile? Voilà. Donc, l'huile d'Ancien, enfin, l'huile qu'il a pris depuis Israël est devenue la source pour aller faire le commerce et pour copter et cibler les hommes riches, n'est-ce pas? Oui. Amen. Donc, ils vont sortir pour aller chercher des gens comment multiplier cette huile-là. En fait, Ce sera du donnant donné, comme Laurent Gbagbo disait, gagnant-gagnant. Tu me donnes de ton argent, je te donne l'huile d'onction de l'Égypte, d'Israël, afin que ton activité prospère encore davantage. Posez-vous la question. C'est cela. Moi, je suis venu, il y a deux petites bouteilles comme ça. Mon ami, mon affaire dans laquelle je me suis lancé là, c'est une affaire vraie. Donc il s'est lancé dans l'affaire, vous comprenez donc qu'il dit des abrons de bouche, que c'est qu'il est dans une affaire, n'est-ce pas? Amen. Je vais vous dire une chose. C'est un bonheur pour vous d'être au sein de la commission. Parce que désormais, chaque fin du mois, lui, comment mon frère? De la vidéo. Okay. La vidéo. Bon, vous le voyez quand même. On le voit, mais on n'entend pas. Bon, je vais rectifier ça dans quelques instants. Ne vous inquiétez pas. Laissez-vous venir. Qui est en train de dormir là? Alors, dites-moi si vous entendez. Posé selon l'art du parfumeur. Vous entendez? Oui, le frère est revenu. Le frère est revenu, ton son n'est pas bon. Je ne sais pas pourquoi. Oui, on entend bien. Ok, merci beaucoup. Arrive en Côte d'Ivoire, par DHL, rien que pour les pasteurs officiellement identifiés qui appartiennent à la commission. Dès lors, la différence se fait entre vous et les autres. Car dans la vie, il y a les uns et les autres. Dans quelle catégorie toi tu te mets? La Bible nous enseigne Acte 21 à partir du verset 17. Lorsque nous arrivâmes à Jérusalem, c'est Paul qui parle, les frères nous reçurent avec joie. Le lendemain, Paul se rendit avec nous chez Jacques. Qui est Jacques? Il est le père de l'église. Et tous les anciens se réunirent. Après les avoir salués, il raconta en détail ce que Dieu avait fait au milieu des païens par son ministère. Quand il l'eut entendu, il glorifiait Dieu. Puis il lui dit, écoutez bien, tu vois frère, combien de milliers de juifs ont cru et tous sont zélés pour la loi. Or, on dit les juifs ont cru. Écoutez bien, il glorifiait Dieu, puis il dit, tu vois frère, combien de milliers de juifs ont cru et tous sont zélés pour la loi. Ils n'ont pas dit pour la grâce. Or, ils ont appris que tu enseignes à tous les juifs qui sont parmi les païens de renoncer à Moïse en leur disant de ne pas circoncire les enfants et de ne pas se conformer aux coutumes. Écoutez, préparez-vous, gardez votre souffle. Quand les blasphèmes vont arriver tout à l'heure, gardez-vous le souffle, d'accord? Donc, je vous prépare. D'accord? Préparez-vous. Ok. Que le Père de Jésus, que le Père de l'Église parle. Que faire donc? Écoutez. Sans aucun doute, la multitude se rassemblera, car on saura que tu es venu. C'est pourquoi. Fais ce que nous allons te dire. On parle à Paul. Celui qui a écrit 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Romains et tout, qui a trompé souvent certaines personnes. Là. Les femmes ne doivent pas prêcher autant. On parle à Paul. Il parle à Paul. On est au chapitre 21. Paul a fini d'écrire à l'église de Corinthe. On ramène Paul à l'ordre pour lui dire, petit, écoute bien ce qu'on va te dire. C'est pourquoi fais ce que nous allons te dire. Ok. Vous dites, hein? Hein? Redites d'abord ce qu'il a dit. C'est grave. Puis, c'est grave, hein? Redites d'abord ce qu'il a dit là. C'est grave. Mmh. Bon, écoutez encore. Écoutez. Ils n'ont pas dit pour la grâce. Or, ils ont appris que tu enseignes à tous les justes qui sont parmi les païens de renoncer à Moïse en leur disant de ne pas circoncire les enfants et de ne pas se conformer aux coutumes. De quelle coutume? Jacques, qui est le frère de Jésus, qui est le père de l'église, parle. Que faire donc? Sans aucun doute, la multitude se rassemblera. Car on saura que tu es venu. C'est pourquoi. Fais ce que nous allons te dire. Écoutez. On parle à Paul. celui qui a écrit 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Romains et tout, qui a trompé souvent certaines personnes. Hein. Les femmes ne doivent pas prêcher autant. On parle à Paul. Il parle à Paul. On est au chapitre 21. Paul a fini de dire à l'église de Corinthe. On ramène Paul à l'ordre. Pour lui dire, petit, écoute bien ce qu'on va te dire. Ah, voilà. Voilà, voilà. C'est grave. Avant qu'on ne finisse la vidéo, donc il faut parlons-en. Qu'est-ce que tu en dis? C'est terrible, n'est-ce pas? Ah, personne ne parle. Il a cité Paul ici. L'apôtre Paul. Oui. Il a même appelé l'apôtre Paul petit. Oui, oui, que Jean a dit au petit, viens ici. Mais, regardez très attentivement. Il dit, en fait, dans sa prédication, qu'est-ce qu'il en a de dire? Il remarque effectivement qu'il y a des choses que l'apôtre Paul dit et qu'eux, les pasteurs, essaient de trouver des façons de contredire. Et je remercie le Seigneur pour l'esprit qui les anime parce que ça montre clairement les intentions qu'ils ont derrière de renverser l'évangile de Christ. L'apôtre Paul dans Galates chapitre 1 dit que l'évangile qu'il a prêché n'est pas d'un homme. Donc d'après ce qu'il en a dit ici, c'est qu'il en a dit que Paul a prêché l'erreur et que l'apôtre Jacques, qui est le frère du Seigneur Jésus-Christ, connaissait mieux les doctrines, mieux que Paul, et il a dû corriger l'apôtre Paul dans ses erreurs. Et l'une des déclarations les plus fracassantes maintenant, ce que Marcos dit, c'est que l'apôtre Paul a écrit 1 Corinthiens, 2 Corinthiens pour prescrire aux femmes de ne pas enseigner ainsi de suite. Et puis ici, dans Actes chapitre 21, on le ramène à l'ordre. Et puis, il va dire dans cette vidéo que l'apôtre Paul, on lui demandait d'aller corriger. C'est pour cela que dans Gala, il va aller dire maintenant qu'il n'y a plus ni homme ni femme, ainsi de suite. Maintenant, souvenez-vous que Actes des apôtres. Écoutez très attentivement, Actes des apôtres est écrit longtemps avant le livre de 1 Corinthiens, lorsque vous voyez la chronologie de la chose. Donc ce monsieur, si on le dit, l'apôtre Paul est allé écrire 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, puis quand il est venu ici à Jérusalem, on lui a demandé d'aller corriger ce qu'il en a dit. Pourtant, Actes des apôtres, cette rencontre-ci a lieu avant que l'apôtre Paul ait écrit 1 Corinthiens et 2 Corinthiens. Je veux que vous compreniez bien cela. Donc, et vous allez voir effectivement plus tard comment il va dire maintenant que plus tard, on lui a demandé d'aller corriger ces choses-là qui ne connaissaient pas les doctrines, et c'est là où il a écrit Galates. Or, le premier livre de l'apôtre Paul, justement, quand l'apôtre Paul écrit justement, c'est le livre de Galates, avant d'écrire les Corinthiens, ainsi de suite, d'accord? Écoutez votre frère. Amen. Amen. Le frère Junior, on n'a pas le son. Oui. Les juifs n'ont qu'une seule purification, c'est l'eau de bain de purification. Écoutez. Et de des païens, par son ministère, quand il eut entendu, il glorifiait Dieu. Puis il lui dit, écoutez bien, tu vois, frère, combien de milliers de juifs ont cru, et tous sont zélés pour la loi. Or, on dit les juifs ont cru. Écoutez bien. Il glorifiait Dieu, puis il dit, tu vois, frère, combien de milliers de juifs ont cru et tous sont zélés pour la loi. Ils n'ont pas dit pour la grâce. Or, ils ont appris que tu enseignes à tous les juifs qui sont parmi les païens de renoncer à Moïse en leur disant de ne pas circoncire les enfants et de ne pas se conformer aux coutumes. De quelles coutumes? Jacques, qui est le frère de Jésus, qui est le père de l'église, parle. Que faire donc? Sans aucun doute, la multitude se rassemblera, car on saura que tu es venu. C'est pourquoi. Fais ce que nous allons te dire. On parle à Paul. Celui qui a écrit 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Romains et tout, qui a trompé souvent certaines personnes. Hein. Les femmes ne doivent pas prêcher autant. On parle à Paul. Il parle à Paul. On est au chapitre 21. Paul a fini de dire à l'église de Corinthe. On ramène Paul à l'ordre. Il dit, petit, écoute bien ce qu'on va te dire. Vous avez entendu votre frère, n'est-ce pas? C'est pourquoi fais ce que nous allons te dire. Il y a parmi vous 4 hommes qui ont fait un vœu. Ah, donc quand on est encore chrétien, on peut faire un vœu. Parlez avec toi. Purifie-toi avec eux. De quelle purification on parle ici? Les juifs n'ont qu'une seule purification, c'est l'eau de bain de purification. Et pourvoir à toutes les dépenses afin qu'ils se rasent la tête. ça veut dire un homme qu'on doit consacrer en tant que pasteur, qui doit faire un vœu pour dire je me consacre. On doit le raser sa tête. On doit enlever tous les gains de cheveux qui sont dessus. Vous avez entendu, n'est-ce pas? Oui, frère. Donc pour lui, pour être pasteur, il faut faire le vœu d'être pasteur. Ce n'est pas l'appel que Christ a donné. Et là, il faut raser la tête. Et il a une liste dans Actes Apôtres chapitre 21, où l'apôtre Paul, on a parlé de la confrontation entre l'apôtre Paul et son enseignement avec les juifs, qui sont les gardiens de la tradition. Ici, il a de mettre ça dans le ministère pastoral en disant que ça veut dire que si quelqu'un fait le vœu d'être pasteur, il faut qu'on lui rase la tête. Vous voyez, là on en est. Et ainsi tous sauront ce qu'ils ont entendu dire si ton compte est faux, mais que toi aussi tu te conduis en observateur de la loi. Écoutez, c'est Jacques qui parle à Paul. Il voulait dire à la Paul, petit voyou, on apprend que tu es écrit aux Corinthiens qui ne doit pas faire tant. On apprend que tu dis aux Romains qui ne doit pas faire tant. On apprend que tu es écrit aux Éphésiens qui ne doit pas faire tant. Qui t'a dit ça? C'est votre frère. Vous criez pourquoi? C'est lui. C'est votre frère. Il a fait un démon incarné. Sinon, vraiment, parti sans canard. C'est terrible, n'est-ce pas? C'est terrible. Le frère. C'est terrible. Là, c'est grave. C'est terrible, n'est-ce pas, frère? Oh, c'est trop terrible. C'est vraiment terrible. Qu'est-ce que vous en dites jusque là? On va bientôt finir avec lui là. On n'a qu'à finir lui. Parce que moi on est fatigué de lui maintenant. Vous êtes fatigué, tu es fatigué de ton frère, ma soeur. Donc l'apôtre Jean. Ça fait deux semaines, il a dit qu'il va aller. Il sera au ciel, il va aller gifler à Bakou. Comment il va faire pour y entrer alors? Et ça, on va voir là. Donc il pense qu'officiel, encore il y a la violence. Des mauvaises intentions. Oui. Les esprits païens là, de Côte d'Ivoire là. Il dit lui-même, il va bloquer l'entrée du ciel là. Il y a beaucoup qui ne vont pas rentrer parce qu'il ne lui donne pas l'argent. Il a dit ça. Oui. Sentez-vous là-bas, que Dieu vous bénisse. Alors, notez donc que le livre des Actes des Apôtres a été écrit avant ces 1 Corinthiens là. Et ici, dans sa parole, je crois que chez quelqu'un, il y a du bruit là. Je ne sais pas si c'est le frère Jacques, il y a du bruit quelque part. Donc, je t'en ai dit. Donc, c'est le frère Angoran. Frère Angoran, daigne fermer ton micro, s'il te plaît. Donc, nous voyons effectivement, en faisant vérifier effectivement ça, vérifier cette rencontre là, vous allez remarquer que l'apôtre Paul, l'acte des apôtres, là où il en est dit, est écrit avant que l'apôtre Paul n'ait pas écrit 1 Corinthiens. Donc l'apôtre Paul, les gens de Jérusalem n'ont pas lu les écrits de l'apôtre Paul avant de voir ce qu'il en est, avant de commencer à le corriger. Que non, l'apôtre Paul n'a jamais corrigé. L'évangile qu'il a prêché une fois pour toutes. Et il a dit justement dans 1 Corinthiens chapitre 11 verset 16 qu'il n'y a plus de contestation entre les apôtres. Il a dit dans le livre plusieurs fois, dans 1 Corinthiens chapitre 15 au verset 11, que ce soit eux, que ce soit nous, voilà ce que nous enseignons et c'est ce que vous avez cru. Donc l'évangile est harmonisé par le Saint-Esprit, donnant directement à l'apôtre Paul et donnant l'autre par révélation à tous les autres apôtres à qui le Seigneur a donné le droit d'écrire et de prêcher. On peut continuer? Oui, mon frère. Oui. Okay. Est-ce que toi, tu as marché avec lui? Ou comment? Parce que déjà, il rejette les apôtres. Oui. Il y a un problème ici. Oui. Puisque lui-même, il rejette les écrits de Paul. En tout cas, ça veut dire que la n'est plus son socle. Non, justement, c'est donc pour cela que ils vont aller dans la Bible prendre ce qu'il est là. Donc, vous voyez effectivement cet esprit qui est sur lui. Directement, non seulement il a menti en disant qu'on a corrigé l'apôtre Paul parce que l'apôtre Paul, ils ont appris que l'apôtre Paul écrit. Vous voyez effectivement que vous pouvez regarder historiquement pour voir que le livre des Actes des Apôtres écrit longtemps avant celui des Actes des 1 Corinthiens. Parce que dans ce 1 Corinthiens, Luc qui en écrit cela va marcher avec l'apôtre Paul. Et ce qui est écrit dans Actes des Apôtres, c'est la même chose que l'apôtre Paul va réitérer, par exemple, de parler en langue. Maintenant, vous remarquez très attentivement que l'esprit qui est sur lui va le conduire dans l'erreur. Maintenant, écoutez, tiens de le dire, donc il rejette en bloc la Bible, quoi, les épîtres de l'apôtre Paul. Écoutons bien ce qu'il va dire de la Bible elle-même là. Continuons. Jésus, moi c'est mon frère, j'ai marché avec lui. Est-ce que que tu étais là pendant les 40 jours où il nous enseignait les codes secrets, tu étais là? Non, tu l'as rencontré où? Sur le chemin de Damas, tu tentais de nous tuer. À partir de maintenant, voici ce que tu vas faire. Fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Voici ce que Jésus lui-même nous a appris. Quelques jours plus tard, Paul a été arrêté. Il n'a pas eu le temps de réécrire aux Corinthiens pour leur dire, là, je me suis trompé, là, je me suis trompé, là, je me suis trompé. L'église catholique a renfermé tous ces textes et ils ont balancé ça à l'Afrique. Ils ont gardé les écrits de Jacques, ils ont gardé les écrits de Philippe. Ils disent, vous courez, vous dites, vous avez la foi, vous avez l'onction, courez. Nous, nous avons les rituels. C'est pour cela, dans un gouvernement, il y a plus de catholiques et des évangéliques. Vous avez entendu, n'est-ce pas? On a entendu, frère. Ok. Donc, d'après ce qu'il a dit, il a dit, l'Église catholique a dit que vous, vous avez la foi, nous, nous avons le secret. Or, c'est justement les missionnaires catholiques et autres là-bas qui vont venir en Afrique, alors que l'Afrique était animiste, et ils adoraient les arbres. Donc, il n'y avait jamais eu de confrontation entre l'Église catholique et les Africains pour qu'ils puissent dire que nous avons la foi. Vous voyez effectivement ce qu'il en est, n'est-ce pas? Vous voyez l'esprit qui anime un prédicateur qui dit qu'il est de Dieu. Et ici, la Bible dit, il a dit clairement qu'il y a un bruit chez quelqu'un là, je ne sais pas si chez qui. Il y a un bruit, permettez-moi de dire ceci véritablement droit pour que ça puisse pénétrer le cœur. Parce qu'il dit ces choses, si les gens sont en train d'applaudir. Regardez, je suis étonné. Je ne sais pas s'il faut chicoter les gens pour qu'ils se réveillent ou bien il faut le verser l'eau chaude ou bien l'eau glacée. Je ne sais pas ce qu'il faut faire maintenant dans cette génération-ci. Puisse Dieu saisir ceux qui sont destinés pour lui. Je vous le dis, c'est terrible. Pour que quelqu'un dise des choses de la Bible comme ça, les gens soient en train d'applaudir. Donc, il dit, d'après ce qu'il a dit, il dit que l'apôtre Paul a écrit 1 Corinthiens, il avait écrit cela, il l'a dispatché partout. C'est pour ça qu'il n'a pas eu le temps d'aller corriger. Et c'est ça qui est venu vers chez nous ici. Donc, quand vous prenez 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, c'est venu avec les fautes de l'apôtre Paul. L'église catholique a la vraie version. Vous voyez là où on en est, n'est-ce pas? Lorsqu'un évangile, on ne sait pas quelle manière faire pour le renverser. Et on retourne sa tête, il tombe. Vous êtes dans une affaire que vous ne savez pas. Moi, je suis aujourd'hui tranquille, serein, imperturbable. Je crois en mon Dieu et je crois aux pratiques de mon Dieu. Tu ne peux pas trouver une thèse biblique qui va contredire ce que je viens de dire. Côte d'Ivoire, dans la sainteté, bonsoir. Bonsoir, le frère Junior. Camille Makoso vient de vous dire clairement que vous ne pouvez pas trouver un texte. Il a dit que vous ne pouvez pas trouver un texte biblique qui contredit ce qu'il vient de dire. C'est parce que c'est grave que les gens ne lisent pas la Bible qui dit ça. Bon, devant lui maintenant, vous avez vu devant l'estrade, il a mis maintenant 24 petites bouteilles là devant lui, comme les 24 vieillards. Vous avez remarqué ces 24 bouteilles là avec la croix de la même façon. Oui, on a vu, frère. Ok, bon, souvenez-vous, il a dit qu'il n'y a pas de test biblique pour contredire ce qu'il a dit. Et partout là, l'histoire et la Bible le contredisent, n'est-ce pas? Amen. On continue. Car lui de... Je crois que là, le son, dans l'enregistrement, le son, il n'y a pas le son. Donc, c'est pas moi, c'est pas de mon côté là maintenant. Important que nous nous rendons sur sa terre pour savoir qui il est au juste. Quelqu'un dit amen. Cette huile-là. Donc, il dit qu'il faut que vous compreniez que vous devez aller rentrer sur sa terre, sur la terre de Dieu, pour pouvoir chercher qui il est. N'est-ce pas, mes frères? Oui, c'est ce qu'il a dit. Ouvrez le livre là rapidement. Ouvrez le livre. Frère Jacques, ou bien Frère Paul Espérant, ouvrez le livre de Amos au chapitre 5, rapidement. Amos, chapitre 5. Lisez-moi le verset 4, voilà. 4 et 5. Et c'est que Amos est un peu difficile à trouver. Prenez courage. Pendant que vous allez prendre, souvenez-vous, lorsque les Juifs vont, les apôtres vont sortir avec le Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 22, ils vont voir la belle construction du temple de Jérusalem. Ils vont faire l'appréciation de cette construction. Et Jésus leur a dit, voyez-vous, il ne se restera pas ici, pied sur pied, qu'il ne sera détruit. Et effectivement, ce lieu de temple-là était le lieu de la gloire, le lieu où Dieu rencontrait les gens, comme on disait dans la tente d'assignation. Et cette tente-là a été détruite. Et puis, ça a été écroulé. Et maintenant, nous avons sur le lieu des vestiges de ces lieux-là, le reste qu'on appelle les murs de lamentation, ou mieux encore au-dessus de cela, la mosquée d'Al-Aqsa, cette chose abominable placée en lieu saint. Et c'est ici donc où les Juifs devaient être rencontrés notre Seigneur dans la gloire lorsqu'il était encore dans la tente d'assignation. Mais quand Christ est mort et a expié, le rideau s'est déchiré pour montrer effectivement que le lieu saint est ouvert maintenant pour tous par le corps et par le sang du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, voici un prédicateur de la Nouvelle Alliance qui a ramené quelqu'un encore plus bas que la loi en disant que nous devons rentrer dans son pays. Si on veut le connaître, pour aller, il faut qu'on parte dans son pays pour chercher à le connaître. Mais qu'est-ce que Dieu lui dit, disait déjà à ceux-là qui étaient sous la loi qu'il devait faire dans Luc d'Amos au chapitre 5, verset 4 et 5. Lisons. Amos chapitre 7, verset 4. Chapitre 5, verset 4 et 5. Le Seigneur l'Éternel m'envoya. Amos chapitre 5. Oui. Le verset 4. Oui. Car ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël. Cherchez-moi et vous vivrez. Le verset 5. Ne cherchez pas Bethel. N'allez pas à Gilgal. Ne passez pas par Beersheba. Car Gilgal sera captif et Bethel anéanti. Voilà. Amen. Maintenant, qu'est-ce que Dieu, le Dieu dont il a de parler là, dit qu'on, qui, comment il a dit qu'on le cherche, qu'on fasse comment? Le révérend, le révérend Capso. Il y a un bruit. Quelqu'un a un bruit. Je ne sais pas si c'est chez toi, le frère Achille. Quelqu'un, là où ça siffle, là, il faut fermer pour que le frère Achille puisse parler. Le frère Achille parle. Le général dit plutôt que d'aller à Israël. Bon, le général Makoso demande plutôt d'aller en Israël pour chercher Dieu. Mais Dieu lui dit dans sa parole plutôt de le chercher, lui, pas de chercher un lieu précis ou bien un endroit quelconque pour le trouver. Voilà. Maintenant, Jésus, quand il est venu à la femme samaritaine, qu'est-ce qu'il a dit? Je crois qu'il a Jésus-Christ a dit comme ça que Dieu est esprit. Oui. Et que vous adorez ce que vous ne savez pas. Et que l'heure est venue où les vrais adorateurs l'adoreront comment? À Jérusalem? En esprit. Non. En esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Donc d'après Makoso, l'adoration en esprit et en vérité, c'est à Jérusalem alors. C'est à Jérusalem qu'on adore en esprit et en vérité. N'est-ce pas, Jésus a dit que ce ne sera ni à Jérusalem, ni à Samarie. Vous avez des activités, je ne sais pas qui a des activités. Vous avez daigné fermer le micro avant de fermer les portes et ainsi de suite. Tout cela, c'est bruit, ça crée des bruits. Que Dieu vous bénisse. Il y a des portes qui sont fermées, de part et d'autre, qui font des bruits. Alors, on peut continuer. Donc, voilà votre prédicateur qui a dit qu'il n'y a pas un seul verset. Il a dit qu'il n'y a pas un seul verset biblique pour contredire. Et toute sa prédication est contredite par les versets bibliques. Et même, non seulement par les versets bibliques, mais par les simples logiques même de la chose. On continue. Finissons-en avec lui. Tu n'as pas besoin de jeûne et prière. Quelqu'un vient te voir. Dis-lui d'ouvrir ses mains. Touche ses mains. Touche la plante de ses pieds. Touche sa bouche. Partout où il va se tenir. Lorsqu'il parle, on est obligé de lui donner ce qu'il demande. Vous avez entendu, n'est-ce pas? Donc c'est lui d'envoûtement. Oui, frère. C'est lui d'envoûtement et d'auto-suggestion, n'est-ce pas? Et petit à petit, il a de délivrer comme ça les secrets de comment il fait à ce que vous lui donnez votre argent. Donc, c'est comme ça qu'il fait. Quand il vous touche comme ça, il vous demande quelque chose, même par suggestion, vous êtes obligé de lui donner. Continuez. C'est pas envoûté, c'est fidèle. Donc, le frère qui vient devant toi, tu lui fais sortir, tu dis, mon fils, je vais te oindre. C'est pas une pour investir de quelqu'un, non. J'étais à Boaké. À Boaké, c'est une goutte. Je mets sur mon toit, je mets quoi sur ton front? Sors. C'est Audrey là maintenant. Voilà, donc voilà. Alors maintenant, vous allez lire ce qui est écrit à la fin de la vidéo. Voilà. Donc, si vous avez été béni par ce message et vous souhaitez soutenir les activités de la Commission protestante évangélique de la Côte d'Ivoire, veuillez nous contacter. Alors, la sœur, c'est tout. Si vous avez été béni, vous pouvez le faire. Que Dieu vous bénisse. Comment? Une goutte à 100 000. Voilà. Là, là, il n'a pas parlé. Une goutte. Donc, vous êtes au courant de cela, hein? Oui, c'est comme ça. Donc, ok, donc, donc si on veut pour que ça, on touche là entre les têtes par deux fois, ça doit être 200 000. 200 000, voilà, c'est comme ça. Ça fonctionne de l'argent que tu as, quoi. Oui. C'est comme ça, imagine, c'est encore du bois. Mais c'est terrible. Terrible, n'est-ce pas, ma soeur? Oui, vraiment terrible. Mais celui-là, moi, je pense que c'est un démon incarné qui est là. Hein. Mais c'est ton frère. Non, je ne vois pas sa solution. C'est ton frère. C'est ton frère, non? Il peut pas être mon frère, frère Junior. C'est que sorte de sa bouche là, c'est trop grave. Alors, nous voici à la fin de la vidéo. En fin de compte, nous avons fini avec lui. Et il n'en faut pas plus qu'on observions dans toutes les vidéos qu'il a faites. En tout cas, dans quelques extraits que nous avons vus, nous voyons effectivement l'esprit qui l'anime. Il veut dire que la Bible que vous avez aujourd'hui, c'est la falsification de l'Église catholique qui vous a été donnée. Et ce n'est pas digne de confiance. Et par conséquent, il faut retourner en Israël, voir le rabbin pour pouvoir avoir la révélation. Et tout, de toute façon, lui, lui vient chaque fin de mois par DHL. Il suffit d'être là au sein de la commission. Vous serez le pasteur différencié des autres pasteurs, car il y a les uns, il y a des autres. Vous devez choisir des côtés si vous êtes des uns ou bien des autres. Et par conséquent, après avoir dénigré la Bible, sali la Bible en prenant toujours de cette même Bible-là les versets pour soutenir lui d'onction, il salit la Bible pour balayer la Bible d'un seul côté parce qu'il y a des erreurs là-bas, les erreurs de l'apôtre Paul, pour ne pas trop être, ne pas trop mettre la rigueur, il met maintenant l'accent sur le talit et sur l'huile d'onction. Et au sein de la communauté, vous pouvez vous enrichir maintenant en prenant une bouteille d'huile. Remarquez très attentivement qu'on a coupé la vidéo pour qu'on ne sache pas ce qui s'est dit par la suite en l'étude de cette huile-là. Mais ceux qui ont assisté savent effectivement ce qui est le marchandage qui a eu lieu avec tous ces instruments-là. Alors, le frère, comment il s'appelle? Où est le frère pour l'espérance? Qu'est-ce qu'on peut dire à la suite de, à la fin de cette chose-ci, à la suite de cette conclusion? Ouais, je suis là, mon frère, je suis là. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire comme conclusion maintenant? C'est toi qui parlais de la conclusion. Qu'est-ce en voyant cette chose-ci, premier acte, Makoso, qu'est-ce qu'on peut dire de lui maintenant? Chacun donnera sa conclusion maintenant et nous allons sortir par là. Que Dieu vous bénisse. Nous commençons par le frère Paul Espérance. Oh, soyons courts parce que ça fait plus de 20 minutes que nous sommes ensemble. Préparez-vous donc. Frère, on est ensemble. Allons-y, parle. Oui. Ce que j'aimerais dire, c'est que à écouter le faux prophète Makoso sur près de 2 heures du temps, on peut compter le nombre de fois qu'il a prononcé le nom de Jésus. Mmh. Il a beaucoup plus prononcé le terme huile d'onction, commerce, plus que il n'ait prononcé le nom de Jésus. Tu veux dire que le champ lexical qui tournait autour de l'argent, la cupidité donc. C'est ça. Ce n'est pas le Christ qui l'a prêché. Mmh. D'autant plus qu'il a rejeté l'apôtre Paul avec ses écrits. Il a continué à faire son huile d'onction. Mmh. Donc, du coup, quand on regarde un peu son message, ce n'est pas porté sur Dieu, sur Jésus-Christ. Oui. Mais beaucoup plus sur l'argent, sur la cupidité, autre chose. Oui. Mais est-ce que cette stratégie, cette façon de faire, change dans beaucoup de ses messages? Parce qu'on ne peut pas quand même juger quelqu'un sur un seul message comme ça, même si ceci est vraiment. Il y a des fautes grossières de la Bible ici. Est-ce que ces mêmes erreurs se répètent dans ces enseignements? Mon frère, un chien ne change jamais sa manière de changer, de s'asseoir. Oui. Moi, j'ai déjà vu plusieurs de ses vidéos. C'est toujours porté sur l'argent, sur la cupidité. Oui. À cause de sa caractéristique, c'est ça. Oui. Donc, en conclusion, qu'est-ce que tu dis? non seulement à lui. Donc, je veux que tu transmettes un message pour lui, pour sa femme et pour tous ceux qui sont qui l'écoutent, et particulièrement les 10 000 fidèles, les 10 000 pasteurs dont il se vante chaque fois. Alors, le frère Jacques, tu nous entends, le frère Paul Espérance a des problèmes avec sa connexion. Oui, du côté de Lomé, qu'est-ce que tu en dis, mon frère, comme conclusion ce soir? J'ai écouté tout ce qu'il a dit, mais je pense que, franchement, je le mets parmi les braqueurs, parce qu'ils ne sont pas... un braqueur, c'est quelqu'un qui cherche... à obliger les gens à obtenir de l'argent ou bien de quelque chose. C'est exactement ce qu'il est en train de faire. C'est exactement ce qu'il est en train de faire. Il enterre la parole de Dieu, il salit la parole de Dieu, et maintenant il tourne autour de quelques versets et oblige les gens maintenant, amène les gens à apporter ce qu'ils ont en eux. Sans même qu'ils se rendent compte, parce qu'ils ne lisent pas aussi la parole de Dieu, ils ne lisent rien, donc ils se font braquer, c'est comme s'ils sont en train de dormir, mais ils se font braquer comme ça. N'est pas du tout sérieux. Donc ta conclusion, c'est que Makoso est un braqueur. C'est un braqueur, frère. Ok, merci, que Dieu te bénisse. Le frère Achinda, quelle conclusion tires-tu à l'issue de cette étude concernant cet homme-là, par rapport à ses prédications? Bon, moi, je crois bien que par rapport à ces 10, nous voyons que vraiment, dans le livre de 2 Timothée, chapitre 3, le verset 1 à 2, est vraiment réel. Puisque la Bible déclare que sachez que dans les derniers jours, il y aura les temps difficiles quand les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Amis de l'argent. Oui. Donc, c'est ce qu'il fait vraiment. Et dans toutes. Son discours, il a seulement que parler d'argent, de commerce. Je pense bien que c'est une technique que tous ceux qui ont fait gestion connaissent. Une façon de chercher des clients, une stratégie commerciale ou de marketing seulement que pour avoir assez de sous, assez d'argent. Donc, d'une part, nous, en tant que chrétiens, ça doit nous interpeller par rapport à notre marche avec le Christ pour dire que nous vivons vraiment les derniers temps et que nous devons nous préparer à tout moment l'enlèvement peut avoir lieu parce que nous sommes vraiment dans les derniers temps. C'est ce que j'ai à dire à mes frères. Voilà, et qu'est-ce qu'a lui, Makoso, qui nous écoute maintenant avec sa femme et ses fidèles et tous ceux qui ont voyagé à Israël, qu'est-ce que tu leur dis? Bon, moi, finalement, me concernant, moi, je me dis que c'est une grâce pour nous, les chrétiens, d'abord. Parce que cette même Bible-là, avant moi-même, je la lisais complètement, mais je ne comprenais rien. Je ne comprenais rien. Et aujourd'hui, quand je lis avec mes frères, j'ai une autre façon de comprendre pour nous. Et nous devons dire vraiment merci à Dieu. Et eux, nous devons prier, peut-être pour ceux qui sont de Dieu, qui sont parmi ce groupe-là. Mais lui, par contre, si vraiment il est de Dieu, un jour, il reviendra vers la vérité. Mais ceux qui sont vraiment, qui ne sont pas de Dieu, bon, je pense bien qu'ils vont perdurer dans ce chemin-là. Que le Seigneur te bénisse. Merci beaucoup. D'un, fermer le micro avec le frère Jacques de l'autre côté aussi. Fermer le micro comme ça, la connexion sera fluide. Alors, le frère Madoché Kwame, qu'est-ce que tu en dis par rapport à cette soirée, par rapport à ton frère Camille Makoso? Bon, par rapport à ce prophète-là, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup écouté. Lui, tu sais, tous ses discours, c'est basé sur l'argent. Comment avoir l'argent? Il y a une de ses vidéos où il a dit que tous ceux qui vont venir pour voir un affaire. Ne bouge pas ton micro. Parle, arrête ton micro, tu es dans la bouche, tu parles fort, mon cher. On ne t'entend pas bien. Ok. Pour moi, c'est un démon. Ah, c'est un démon. Bon, ça c'est la conclusion. Voilà. Oui, merci beaucoup. Le frère Olivier, on passe à toi. Je crois que ta connexion également n'est pas bonne et ton son n'est pas non plus agréable. Je ne sais pas si tu pourras parler. Le frère Madouchev, Deng, fermez ton micro aussi, s'il te plaît. Allô, frère? Oui. Ça peut aller, vous m'entendez? C'est, là, maintenant, c'est limpide. Je ne sais pas où tu t'es retrouvé maintenant. Maintenant, c'est clair. Oui, vas-y. Bon. Oui, il y a espace un autre. Concernant, en fait, le général Makuso, avec toutes les vidéos que nous avons subies, la conclusion que moi je peux dire concernant ce monsieur-là, en fait, il n'a rien de Dieu. Mmh. Voilà. Il est de la catégorie des personnes, des ouvriers que l'apôtre Paul appelle ouvriers d'iniquité. Mmh. C'est un ouvrier d'iniquité. Et il est l'accomplissement même du passage de 2 Pierre. Mmh. Le passage de 2 Pierre, chapitre 2 que nous avons lu. Effectivement, Marcos est l'accomplissement même de ce passage-là. Mmh. Donc, c'est quelqu'un qui n'a rien de Dieu, qui n'est ni connu par Dieu, qui n'a pas été envoyé par Dieu, et il est vraiment quelqu'un qui a été sémé, c'est livré qui a été sémé dans l'église, pour pouvoir vraiment chercher à pervertir les voies du Seigneur. Mmh. Donc c'est un ouvrier d'iniquité, et vraiment, en tout cas, tout ces dits, tout ces manières de faire, ces pratiques, tout cela atteste effectivement que c'est quelqu'un qui n'est pas un serviteur de Dieu, mais c'est un ouvrier d'iniquité. Mmh. Donc, voici un peu ce que je peux dire concernant ce monsieur-là. Merci, mon frère. Donc, nous devons fuir de tels hommes. Et si les membres de son assemblée, dans tous les endroits où ils se trouvent, où ils cherchent les sorciers, t'écoutent, qu'est-ce que tu dois leur dire? Tout ce que je peux leur dire, tous ceux qui sont de son assemblée, tout ce que je peux leur dire, c'est que ces personnes-là reviennent à la parole. Qui fuit un tel individu? L'apôtre dit clairement que de tels individus, nous devons les fuir. Mmh. Parce qu'ils ne se tiennent pas, ces personnes ne se tiennent pas dans la vérité. Mmh. Donc nous devons fuir ces personnes-là. Mmh. Nous devons sortir de sa synagogue. La Bible dit clairement que nous devons sortir des synagogues de Satan afin que le Seigneur nous accueille comme des fils et des filles. Mmh. Donc l'injonction que moi je donne à ces fidèles, c'est de fuir un tel individu et de sortir de son église. Mmh. Voilà. S'ils veulent vraiment avoir part en tout cas, au salut de Dieu. Mmh. Merci mon frère. Ferme ton micro, ferme ton micro. Merci pour ça clarté dans ton micro. Didier quoi Dio? Toi également. Le frère Didier quoi, je nous entends. Salut, allô frère. Oui. Je vous entends. Oui. Je mettais mon micro en marche. Oui, conclusion. Bon, la conclusion que je vois, c'est c'est-à-dire à l'écouter, c'est sûr, comme l'apôtre Paul parlait, l'évangile est renversé. Mmh. C'est-à-dire, au lieu de s'affectionner aux choses d'en haut et la justice de Dieu, on s'affectionne plutôt aux choses d'en bas et ils espèrent que la justice de Dieu vient. Donc, à les écouter, ils ont renversé complètement, tu vois, l'évangile. Mmh. Mais en tout cas, il y a des personnes encore qui sont captives par ces enseignements-là. La seule chose, que Dieu les fasse grâce, pour qu'ils puissent revenir à l'autre. Mmh. Et en tout cas, les exhortations qu'ils peuvent donner à ces personnes qui les suivent là, vraiment, la Bible nous dit d'examiner toutes choses, de retenir ce qui est bien. Mmh. Et soit ce qu'il va dire, eux-mêmes n'ont qu'à examiner ça aux Écritures. Mmh. Parce que ce ne sont pas seulement les miracles et tout ça, même les marabouts, tout cela, ils font les miracles, ils font tout. Ce n'est pas ça. Mais est-ce qu'il est véritablement dans la parole? C'est la seule chose, le seul repère qui est là. Donc, c'est l'exhortation que je peux donner à ces personnes-là. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Deng, ferme ton micro aussi. Amen. Le frère Yao, bonsoir et bienvenue. Tu étais là et tu as écouté. Quelle conclusion en tires-tu ce soir? Oh, oui, vraiment, ce que j'ai retenu, parce que une de ces vidéos même que vous avez publiées sur même le forum, en l'écoutant comme ça, vraiment, il a été clair. Il a dit comme ça que sa bouche n'est pas encore convertie. Donc, au moins, vraiment, ça, il a vu que vraiment, d'abord, il n'est pas chrétien. Il a dit que sa bouche n'est pas comment. Voilà. J'ai écouté bien parce que le vidéo que vous avez, il a dit comme ça que sa bouche n'est pas encore convertie. Donc, il a été vraiment très. En tout cas, quand il a dit ça vraiment. Mais ce que moi, vraiment, ce que j'ai vraiment, je me souviens beaucoup pour lui. Mm. Parce que c'est un frère. Et il va aussi être un être humain. Pas être vraiment par un démon. Mm. Vraiment, je prie pour lui vraiment. Que vraiment le Seigneur fait de grâce parce que. Tout ce qu'ils disent là, c'est les choses qu'ils disent, mais c'est pas ce qu'ils disent. Mmh. En disant comme ça que tous les chrétiens qui pauvres, ils n'iront directement en enfer. Mmh. Or, il y a vu clairement, même Pierre disait clairement nous, même les, on peut dire même les grands, si je veux dire les grands, les apôtres, je peux les appeler les grands, on les regardait comme les balais des rues. Donc j'ai vu vraiment que ces personnes-là n'ont pas de gens. Même moi, devant même le temple, quand ils sont partis, Pierre et Bichet sont allés au temple, quand même l'handicap là a posé la question, comment demander de l'argent, ils ont dit comme ça qu'ils n'ont rien, l'argent n'est rien. Donc j'ai vu vraiment que ces personnes-là, vraiment, c'est les gens qui sont misérables, on les voyait comme les misérables. Donc quand il a dit comme ça que tous les pauvres vont aller en enfer vraiment, il a vu que c'est un frère vraiment. Il a besoin vraiment de croiser vraiment un frère vraiment qui a été converti, qui a reçu vraiment un appel vraiment de Dieu, pour que vraiment il puisse entendre la voix de Dieu pour qu'il puisse vraiment se repentir. Donc vraiment, j'ai eu vraiment compassion pour lui, je me soucie vraiment pour lui. Ma prière que vraiment le Seigneur vraiment tue vraiment son cœur, qu'il vraiment aussi fait aussi se révéler à lui aussi, comme aujourd'hui nous avons aujourd'hui. Nous savons très bien que, comme il nous a dit dans 2 Timothée chapitre 3, les versets 12 à 13, il a dit comme ça que tous ceux qui veulent vivre pieusement dans plein dans l'annonce Seigneur, Dieu seront persécutés dans le monde aussi. Donc il a vu que dans tout ces dits, en fait, il a recherché de l'argent, il est en train de chercher l'argent, donc c'est une manière. Il sait aussi qu'il le comparait comme notre frère Blé Goudi qui est en prison actuellement. Moi, je le voyais comme un Blé Goudi parce que tout ce qu'il faisait, c'est la même chose que Blé Goudi faisait pour notre premier président qui était parti, Babou. Donc, c'est quelqu'un qui est en train de faire à Tarako, chercher vraiment comment avoir des moyens pour pouvoir vivre sur la terre. Donc, vraiment, il n'est pas encore converti. Il a dit clairement, il a été clair. Sauf les gens qui n'ont pas encore converti, il a été clair pour dire vraiment qu'il n'est pas encore converti. Donc, vraiment, il n'a pas caché dans un. Dubaï, il est bien suivi. Je crois qu'il faudra mettre cette vidéo également là sur le forum pour que le prochain enseignement, on entend avant de continuer, pour qu'on entende comment il le dit. Ça, bon, si tu écoutes maintenant, si Makusa t'écoute maintenant sur Facebook. Mais frère, je crois que j'ai posté cette vidéo là sur le forum. Je ne sais pas si les fois on reçu ça. Flo, c'est toi qui as posté. Oui, j'ai posté ça sur le forum. Oui, la vidéo dont il est question. Ok, il faut reposter, s'il vous plaît. Après l'enseignement, faites le résumé et puis vous repostez cette vidéo-là. Comme ça, moi-même, je vais suivre, d'accord? Amen. Oui, frère. Donc, frère Yahou, dis-nous. Vraiment, c'est ça. Moi, frère Yahou, si Makusa t'entend maintenant, t'écoute maintenant, qu'est-ce que tu lui dis directement en tant que grand frère? En tout cas, ce que j'ai vraiment à lui dire, que vraiment le Seigneur vraiment puisse l'aider parce qu'il souffre vraiment. Quand je le voyais vraiment, je l'ai écouté même aujourd'hui, soit à 19h. Et en tout cas, j'avais les larmes aux yeux. Quand il parlait, il voyait que vraiment, ce n'est pas lui qui parle. Là, c'était un démon vraiment incarné en lui, ce frère qui parle en lui. Donc vraiment, c'est un frère vraiment qui est vraiment, il est vraiment prisonnier. Donc vraiment, ma prière que m'adresse à notre Seigneur Jésus-Christ, vraiment, qu'il lui fait la grâce. S'il est vraiment destiné aussi pour parmi ses enfants, que vraiment ce jour-là, vraiment, puisse arriver vers lui pour qu'il puisse vraiment voir la lumière. Donc vraiment, il me fait pitié, bro. Quand il a entendu, vraiment, il me fait pitié. Mais à tous ceux aussi qui les suivent, ce sont des gens aussi, voir comme le frère en porte d'expérience a dit, c'est les gens, ils ne sont pas allés chercher Dieu. Ils sont à la recherche de l'argent. Donc ces personnes-là, ils sont là parce qu'ils viennent à tout temps, ils cherchent des marabouts. Donc parce que tout ce qu'ils proclamaient concernant sur l'adoption, c'est sûr, il faut vraiment convaincre des gens, comme les marabouts font sur les chaînes en Côte d'Ivoire ici. Ils vont sur les radios pour aller vraiment faire des publicités pour que les gens puissent vraiment venir à eux pour vraiment voir vraiment leurs produits. Donc il allait faire vraiment une publicité de son produit qu'il a vraiment acheté pour se faire de l'argent. Donc ces personnes-là, c'est les gens qui sont à la recherche, à la. Ces personnes-là, mais il sait que parmi eux, ceux vraiment qui ont le secret, c'est en cherchant vraiment Jésus-Christ. Oui. Il sait très bien que notre Seigneur, comme il l'a dit, il connaît ses brebis. Ces personnes-là, ils seront sauvés. Sinon, vraiment, le frère en question, j'ai pris pour les frères vraiment que le Seigneur lui fait la grâce. Si vraiment il est destiné aussi pour vous, vraiment pour le ciel, que notre Seigneur lui fait la grâce. C'est la chose que je peux dire à le frère. Oui. Et c'est que vous m'avez saisi. Bien, d'accord. Bien suivi. Alors, la sœur Audrey Kwabenaw, you have the floor now. Dis-nous, qu'est-ce que tu as dit à ton frère Camille Makusa? Je veux d'abord remercier le Seigneur qui m'a permis d'écouter d'avoir cette vidéo. Oui. Aussi, il m'a permis aussi de comprendre qu'on doit vraiment s'investir dans la parole. Parce que tout ce qu'il a eu à dire, il a redit à son peuple qu'il n'y avait personne vraiment pour le contredire avec tout ce qu'il est en train de dire. C'est parce qu'il a vu en ce peuple qu'il y avait l'ignorance, qu'il n'avait pas la maîtrise de la parole de Dieu. Donc vraiment, ce que moi j'ai compris, ce serait que je dois personnellement, je peux aussi encourager mes frères et sœurs à demeurer dans la parole de Dieu. À chaque instant, de faire de la parole de Dieu à notre portée, toujours au début, comme la Bible nous l'a recommandé. Maintenant, à lui, le prophète, comme le frère vient de le dire, c'est de prier pour lui vraiment. Il est vraiment destiné à être parmi les bénis du Seigneur, que le Seigneur vraiment l'amène aussi dans sa destinée. Mm. Et si ce n'est pas le cas aussi, que la volonté du Seigneur soit faite par lui. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Merci de fermer ton micro. La sœur, c'est tout. Tu dors déjà ou bien c'est comment? Je ne dors pas, frère. Dis-nous, avant d'aller voir ton mari maintenant, dis-nous. Quelle conclusion peut-on tirer maintenant sur cette série-ci concernant Makoso? Non, moi, ce que je vois, je me dis que lui, c'est un commerçant qui a pris le titre de l'évangile pour mettre devant. Parce que c'est en passant par l'évangile, il va avoir plein de clients. Parce qu'en Côte d'Ivoire, ici, on est vraiment voilé. Là, on a qu'à se dire la vérité. Les gens sont envoûtés, même. Si c'est l'envoûtement, on était tous envoûtés. Le Seigneur nous a fait la grâce de pouvoir quitter dedans. Nous sommes encore dedans. Donc, il a vu si. Parce que dans toutes les églises maintenant, la plupart de ceux qui sont en train de prêcher là-bas, là, ce sont les anciens marabouts, les anciens braqueurs, les bandits, ceux qui sont revenus. Sont devenus des pasteurs, sont devenus des prophètes. Il a vu que ça marche bien. Donc, s'il passe par là, il va avoir plein de clients. Voilà. Donc, il n'a qu'à se revoir, fléchir les genoux, demander pardon à Dieu pour tous les mauvais paroles qui sont de sa bouche. Peut-être Dieu peut lui pardonner, parce que les paroles qui sont, les propos qui sont de sa bouche ne sont pas bonnes. Comme le frère a dit que sa bouche n'est pas encore convertie, donc une partie de son corps s'est convertie, sauf sa bouche et certainement son cœur. Comment la conversion... Il n'est même pas converti. Il ne connaît rien même de la Bible. Lui-même, il ne connaît rien. C'est le commerce même qu'il est venu pour faire. En fait, il a vu d'autres personnes qui font. Donc, il a profité aussi. Donc, c'est un profiteur. C'est ce que je vois. Et à sa femme, qu'est-ce que tu dis comme conseil? Bon, sa femme, je ne la connais pas. Mais en tout cas, qu'elle prie beaucoup pour son mari. Après qu'il le Seigneur l'accorde la délivrance. Sinon, vraiment, c'est pas bon pour eux deux. Elle-même mange l'argent qu'il trompe les gens pour avoir comme ça. Il faut qu'elle va rester dans cet argent-là et elle va prier pour son mari. Pour que son mari arrête le commerce. Et elle mange quoi alors? Mais actuellement, c'est que s'ils veulent suivre l'argent, ils vont aller à la perdition. Le temps n'est pas de chercher l'argent. Le temps est de chercher le Seigneur. S'ils veulent manger l'argent, ils n'ont pas mangé l'argent. Seulement le ciel où il a dit qu'il va le bloquer, puis les gens ne vont pas rentrer là. Il va jamais voir ce ciel-là aussi. Que Dieu nous vienne en aide, n'est-ce pas? Amen, amen. Voilà, voilà. Je crois que le frère Paul Espérance a eu quelques soucis avec sa connexion. Mais de toute façon, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Et d'ici là, gardez-vous bien, gardez-vous des faux prophètes, gardez-vous des gens qui viennent en vous en vendant l'illusion. Vous avez assez de la connaissance maintenant. Je vous laisse sur la puissante main du Seigneur, qu'il vous bénisse tout au long de cette nuit. Shalom, shalom. Shalom, frère. Shalom, shalom. Que le Seigneur te le bénisse. Toi également. Vous également. Soyez bénis tout au long de cette semaine. Avec ceux qu'on a rendez-vous dimanche, amen, amen. Le frère Bissan également dimanche. Soyez bénis. Amen. Amen. L'âme, réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse. Marche selon les plaisirs, les désirs de ce monde. Puis réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse. Suis ta convoitise. Dis-toi qu'un jour tu comparaîtras devant ton Créateur. Mais dis-toi qu'un jour tu rendras compte pour tout ce que tu as fait sur cette terre. Bannis de ton cœur le chagrin. Éloigne-toi du mal. De ton Créateur, pendant les jours que tu vis, est-ce qu'on se verra au paradis? Est-ce qu'on se verra là-bas? Oh, oh, oh. recherchent le pouvoir pour que les hommes acclament. Mais que te sait-il de gagner ce monde, puisque un jour tu partiras, pense plutôt à ton âme qui se perd. Un jour glorieux, un jour merveilleux, un jour glorieux, un jour merveilleux, où le Seigneur descendra avec son armée derrière lui, et moi je marcherai près de lui. Hey, ce qu'on se verra, ah, est-ce qu'on se verra, oh mon frère. Mon âme soupire après toi. Est-ce qu'on se verra après toi?